Are you gonna bark all day, little doggy? Or are you gonna bite? Nobody leave this place without singing the blues. Elle est fâchée. I always just envisioned the right one being someone I could see myself growing old with. Tu veux ma photo, banane? Il est méchant, monsieur Brochant. Il est mignon, monsieur Pignon. Yippie-ki-yay, pauvre con. You ever get the feeling that everything in America is completely fucked up? Buenos dias. Je m'appelle Inigo Montoya. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. Qu'est-ce que tu vas dire? Peu, il sera retenu contre toi un coup, puis un tabarnak. Ok, circulez. Get away from her, you bitch! You see, we're on a mission from God. J'ai connu une fille autrefois qui habitait dans Garden Street. Il y a longtemps maintenant. Philippe! Mais qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Mais pourquoi est-ce que tu te mets en run, Philippe? Avez-vous décidé de me tuer? Après vous avoir sauvé la vie? Non. Do you enjoy pain? Pain don't hurt. It was beauty killed the beast. Bonsoir et bienvenue à l'épisode numéro 53 du Bras de fer des films. Oui, 53. Ça n'a rien de spécial, j'avais juste envie de souligner 53. Combien, Jeff? 53. Mon Dieu, 53! Hein? 53. Bingo! Cinco tres. Mon nom est Jean-François Tremblay et en ma compagnie, Steven Lefrançois. Salut Steven! Salut Jean-François Tremblay! Yeah! 53! Ça va n'importe où à soi. Bon, à soir, un petit épisode que j'ai gossé tout le monde pour faire, puis finalement on est juste deux. Fait que... non, je pense que j'ai été vraiment gossant, là, pour reprendre les paroles de RBO dans un de leurs vieux sketchs. Il me dit assez écœuré avec ça, tabarnak. En tout cas, tout le monde est apparemment malade, entre guillemets. Ouais, t'sais. C'est ça. Tout le monde à soir est malade. Tout le monde demain va être ben de bonne humeur et en pleine forme. On fait Le Magicien d'Oz de 1939 et The Wiz de 1978. Mm-hmm. Pourquoi j'ai eu envie de faire ça? Pas parce que c'est un anniversaire particulier ou quoi que ce soit d'un des deux films, mais parce que cette semaine, NBC présente The Wiz Live, la comédie musicale, une nouvelle production. Puis comme ils font depuis deux ans, ils font un show live à la télévision devant des millions de personnes. Il n'y a pas de délai, c'est vraiment live. Puis il peut arriver toutes sortes de conneries, toutes sortes d'erreurs. Et voilà, en 2013, c'était Sound of Music. 2014, c'était Peter Pan. L'année passée, c'était vraiment très drôle de voir Christopher Walken not giving a fuck pantoute durant sa performance. Tu sais, qui était pas là, qui avait pas envie d'être là, qui connaissait pas ses répliques, qui marmonnait, qui chantait les chansons puis qui dansait, mais sans aucune énergie. C'était affreux, c'était à la fois drôle et malaisant et terrible à voir. Et The Sound of Music en 2013, ben, c'était juste plate avec Carrie Underwood. Elle a pas le charme de Julie Andrews. En tout cas, là, je suis curieux de voir The Wiz. Je connaissais pas la comédie musicale. Là, j'ai vu le film pour le podcast. C'était justement, je me suis dit que ça serait une bonne occasion de voir le film qui est comme un des navets que moi j'ai entendu parler toute ma vie. C'est un des navets les plus notoires de l'histoire du cinéma américain. Mm-hmm. C'est un film avec Michael Jackson, mais que personne aime, avec plein de monde de talentueux là-dedans, mais que personne aime le film. Fait que j'étais comme, ok, là, c'est le bon temps dans ma vie pour le voir, je pense. Puis je voulais aussi me familiariser avec les chansons pour arriver au show de jeudi soir à TV puis connaître un peu les tunes d'avance. Fait que c'est de ça qu'on va parler. Puis je sentais à travers notre gang là, avec qui on fait parfois les épisodes, les invités, tout ça, ceux que j'essayais de voir avec qui, puis toi aussi, Steven. J'étais comme, et ça n'a pas l'air de tenter à grand monde. Mais je vais continuer à pousser dans ce sens-là. Je voulais vraiment le faire. J'ai parti ce podcast-là en me disant, tu sais, je veux faire je veux me forcer à voir des navets ou des faits comme ça. Puis, je suis comme, Le Magicien d'Oz, c'est un des grands classiques dans ma vie, là, tu sais, j'ai vu quand j'étais tout jeune. Puis, l'autre, c'est un des pires navets. Puis, je suis comme, ça fit, là. Je trouvais que ça fitait, même si c'était un peu un épisode remake, puis on n'a pas vraiment fait d'épisode remake On a fait Casablanca puis Barbed Wire, mais c'est pas des remakes officiels. Là, mais en tout cas, on n'a pas vraiment fait de remake tant que ça, mais t'sais, grave, ça pite. Il va en avoir éventuellement. Puis ça, c'en est un. Fait que c'est ça, en gros, mon explication. Sinon, ben c'est ça, cette semaine, je fais beaucoup de Magicien d'Oz. Je vais juste y aller très, très rapidement. Que sur notre chaîne YouTube, je regarde à tous les jours une vieille adaptation du Magicien d'Oz ou quelque chose de relié à l'œuvre de son auteur, L. Frank Baum. C'est-à-dire, je regarde des vieux films dans le domaine public. J'ai commencé avec Wizard of Oz en 1910. Là, on enregistre, on est mardi. Aujourd'hui, j'ai regardé The Patchwork Girl of Oz de 1914. Demain, je vais regarder un autre. Ils sortent sur notre chaîne YouTube à tous les jours, mettons, d'une heure ou deux heures. Je fais pas ça live, là, parce que c'est... J'ai encore un petit peu de difficulté avec la diffusion live et je suis pas aussi équipé que d'autres pour faire du stream live. En tout cas, c'est des détails techniques, mais c'est ça, ils sont là sur YouTube, ils peuvent regarder. Je regarde les films et je suis là à l'écran et je commente tout le long. C'est tous des films que j'avais jamais vus, fait que je commente sur le vif. Et donc, il y a ça, puis on fait notre épisode, puis c'est pas mal ça, en fait, par rapport au machin là. Ça se peut que je lise le roman aussi, je l'ai sorti, je l'avais dans ma bibliothèque, puis... C'est pas mal juste ça. C'est assez. C'est assez. C'est comme overdose de Magicien d'Oz depuis plusieurs jours, là. Oui, cette semaine, ça va être juste ça, puis la semaine prochaine, je serai plus capable. mais ça se pourrait que je lise le livre. Ça, je l'avais dans ma bibliothèque depuis longtemps, puis je l'avais juste jamais lu. C'était un petit 300 pages, là. Peut-être bien je vais me donner à le lire. Fait que là-dessus, je pense qu'on serait prêt à commencer. T'avais-tu des choses à plugger pour l'instant ou... Non, rien pantoute. Parfait. Ben, commençons ce match de bras de fer. Le Magicien d'Oz est un film de 1939 réalisé par Victor Fleming. Ça met en vedette Judy Garland dans le rôle de Dorothy Gale, ainsi que Ray Bolger dans le rôle du... j'ai des noms en anglais, Scarecrow, l'épouvantail. Burt Lahr dans le rôle de l'homme de fer, bon. Jack Haley dans le rôle du lion. Voyons, je cherche tout le monde. Margaret Hamilton dans le rôle de la sorcière. Et Frank Morgan dans le rôle du Magicien d'Oz. C'est un film musical, il va sans dire, tout le monde l'a vu, fait que, ou presque, fait que... bon, c'est l'histoire de Dorothy Gale, une petite fille qui vit au Kansas avec son oncle et sa tante, et son chien Toto, et trois hommes aussi qui travaillent pour la ferme. Et donc, son chien est comme menacé par une dame du village des environs. Elle aime vraiment pas le chien, puis elle menace de l'enlever, de le faire tuer et tout ça. Et elle va réussir par partir avec Toto. Puis là, le chien va se sauver, puis va revenir à la maison. Puis là, ben, Dorothée, elle va se sauver avec son chien, puis elle va décider de fuir la ferme et tout ça. Puis sur son chemin, elle va rencontrer un professeur qui s'appelle le professeur Marvel, tout ça, qui va lui dire, essayer de la persuader de retourner chez elle, parce que apparemment, dans sa boule de cristal, il a vu sa tante qui pleure et tout ça, la tante à Dorothée. Fait que Dorothée se sent mal pour sa tante et tout ça, puis elle s'en va à retourner à la maison. Puis il y a une tornade qui s'est formée dans le ciel et tout ça. Et les gens ont réussi à tout s'abriter, sauf que Dorothée arrive trop tard. Elle rentre dans la maison, s'enferme dans sa chambre, la maison s'envole, prise par la tornade, et par la fenêtre, elle voit passer toutes sortes de trucs, comme elle voit la vieille madame qui se transforme en sorcière et tout ça, puis la maison, après ça, atterrit, et une fois que Dorothée sort de la maison, tout à coup, les choses ne sont plus du tout pareilles, le film a commencé en noir et blanc, et... À partir de maintenant, c'est en couleur et on est dans le pays d'Oz. J'en dis pas plus. On écoute un petit extrait et on revient tout de suite avec notre discussion sur le film. Elle est donc encore en vie, regardez. Celle qui est morte, c'est sa sœur, la vieille sorcière de l'Est. Elle, c'est la méchante fée de l'Ouest. Elle est pire encore que l'autre, mon enfant. Qui a assassiné ma sœur? Qui a tué la fée de l'Est? Toi, sans doute. Non, non, c'était un accident. Je n'ai jamais assassiné personne. Bien, ma chère petite, je sais causer des accidents aussi. Et les petits souliers de rubis, vous les oubliez? Je les oubliais, oui. Les souliers de rubis. Où sont-ils? Les souliers de Ruby, vous les avez cachés, hein? Rendez-les-moi tout de suite, sans ça! C'est trop tard. Ils sont là et ils y resteront. Oh! Oh! Rends-moi mes souliers de Ruby. Il n'y a que moi qui connaisse l'usage qu'on en fait. Ils ne te seront d'aucun secours. Rends-les-moi tout de suite. Rends-les-moi, tu m'entends? Ne rends pas ces souliers. Leur pouvoir magique doit être vraiment inouï, sinon elle ne les réclamerait pas ainsi. Prends garde, Glinda. Occupe-toi de tes affaires. Oh, oh, oh, des menaces. Je n'ai pas peur de toi. Va-t'en avant d'être broyée sous une maison à ton tour. Parfait. Je me vengerai plus tard. Quant à toi, jeune fille, sois tranquille. Je ne peux rien contre toi tant que Glinda te protège. Mais je te conseille de t'écarter de mon chemin. Essaie du moins. Car tu tomberas bientôt dans mes griffes. Et ton chien aussi. Donc, le magicien d'Oz. Steven, j'ai... comme entendu dire entre les branches que c'était la première fois que tu le voyais, je pense. Ben oui, c'est, ça peut paraître surprenant vu que tu as dit que tout le monde a vu ça. Tout après l'avoir dit, je suis comme, non, c'est vrai, il l'avait pas vu. Lui. Non, effectivement, j'ai jamais vu le magicien d'Oz. Par contre, évidemment, comme la plupart des gens, je connais beaucoup les personnages, sont très iconiques, là, je veux dire. As-tu vu des adaptations? Il y en a tellement, quand tu regardes la page Wikipédia des adaptations, il y en a des tonnes, là. J'ai pas pris la peine de toutes les vérifier, mais genre les Mopettes en 2005, je pense, ils ont fait un Magicien d'Oz. Honnêtement, je pense que j'ai vu aucune adaptation de Magicien d'Oz. C'était vraiment la première fois que je voyais. Ah, mais t'as vu celle de Sam Raimi? Même pas. Ah, tu l'as pas vu? Ok, ok. Non, je l'ai pas vu non plus. Ok. Fait que je suis vraiment. C'était vraiment ma première, puis je crois que celui-là est comme un peu le candidat idéal, vu que c'est comme pas mal celle que tout le monde parle, puis qui est considérée comme la meilleure. La meilleure histoire du magicien d'Oz adaptée à l'écran. Mm-hmm. Puis, Mais si on regarde sur la page Wikipédia, ça dit le film est le film qui a été le plus vu dans le monde d'après la Bibliothèque du Congrès américain. Il est classé au registre international Mémoire du monde de l'UNESCO. C'est un film qui est comme très universel puis que beaucoup, beaucoup de monde ont vu. Là. Ouais, c'est fou. Qu'est-ce que tu allais dire? M'excuse, je t'ai coupé la parole. J'avais rien dit de plus. En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, moi, je l'ai vu un million de fois quand j'étais jeune, puis tout le temps, la version normale, 2D, en VHS, tout ça. Mais toi, en plus, tu l'as regardé en 3D. Là. Fait qu'on va avoir des points de vue différents. En plus, c'est ça qui est le fun de faire le podcast de même, t'sais, d'avoir des expériences différentes, puis de pouvoir en parler de tous les points de vue, dans le fond, de ce film-là. T'sais. Oui, surtout que c'est la première fois que je vois un vieux film qui a été... en 3D, puis ça m'a tout le temps intrigué. Souvent, je voyais des vieux films qui ont été mis comme ça, tu sais, comme t'as Predator avec Arnold ou Top Gun avec Tom Cruise qui ont été sortis en Blu-ray 3D, puis j'étais comme, comment ils font pour que ça marche en 3D vu que c'est pas tourné en 3D? Surtout, des fois, tu vas voir des films au cinéma, tu sais, qui ont pas été tournés en 3D, puis lorsque tu l'écoutes, mais... Ça valait vraiment pas la peine. Il n'y a même pas de fond d'écran, d'effet de profondeur. Il n'y a rien. Fait que je me disais, crime, avec les vieux films, je vois mal comment ils pourraient faire de quoi qui aurait de l'allure. Puis là, on parle de vraiment vieux. Là, c'est 1939. Puis j'ai fait le saut. Dans ma tête, Magicien d'Oz, c'était années 50, années 60. Je pensais que ça datait de ça. Mais 1939, non. En effet, c'est quand même assez vieux. La même année qu'Autant n'emporte le vent. Oui, effectivement, que j'ai jamais vu. Mais je sais que tu le réserves pour un jour. Un jour. J'avais pas fait de réservation. Là. Ah, okay. Mais un jour, ça pourrait être. Je l'ai vu il y a très très longtemps. Mais bon. Magicien d'Oz. C'est ça, moi, c'est. Je l'ai dit, je l'ai vu plusieurs fois dans ma jeunesse, puis toute ma vie, à tout bout de champ, je le revois à un moment donné, puis j'ai pas besoin parce que je le connais par cœur, mais comme encore là, je l'ai regardé dans les derniers jours pour le podcast, puis il y a des petits bouts que j'avais pas oubliés, je dirais pas oubliés, mais tu sais, qu'à un moment donné, tu finis par plus vraiment y penser. Tu fais, ah oui, c'est vrai, il y a cette passe-là, mais j'ai tout le temps un certain plaisir à le regarder, même si je suis capable de voir ses défauts. Puis les défauts de sa morale, mais ça, j'en reviendrai plus tard. Ben pas vraiment un défaut de morale, mais je trouve ça cheesy à mort. Là. Mais, ben en même temps, c'est difficile de critiquer ça, hein, vu que c'est quand même un film qui date. Là, Puis c'est une histoire pour enfants, à la base. Mm. C'est un livre pour enfants, c'est une histoire pour enfants. Ça va rester simple, veut pas. T'sais. Ben, le film est très enfantin en tant que tel, sans lui reprocher ça. Là. Mm-hmm. Mais je veux dire, il y a une atmosphère et une énergie très, très familiale et très bon enfant qui fait que c'est vraiment réservé. J'ai pas envie de dire pour les enfants, mais que c'est vraiment réservé à faire rêver les enfants, mais autant à faire rêver les adultes, si on veut. Oui. Parce que, veux pas, moi, c'est la première fois que je le vois. J'ai quand même 28 ans. Et je te dirais que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir, mais ça m'a vraiment comme surpris à quel point j'étais immergé pour... immergé en tant que film familial, mais en tant que film qui est venu m'ouvrir un peu mon cœur d'enfant, si on veut. Parce que une des premières chansons qui va être chantée, Somewhere Over the Rainbow. Tout le monde la connaît, cette chanson-là. Sauf que j'ai entendu plusieurs versions différentes. Mais au départ, j'avais complètement oublié que ça venait de ce film-là. Et la première scène avec Dorothée qui chante cette chanson-là, je la trouve vraiment géniale. Et en fait, tout le début du film, moi, avant que le film devienne en couleur, m'a surpris parce que le style de noir et blanc est assez particulier. Je trouve qu'il est différent du noir et blanc... qu'on a habituellement, puis c'est quasiment plus dark. Je trouvais quasiment que ça faisait un film sombre. Je sais que c'est l'effet du noir et blanc, mais je trouvais que ça rendait le film plus dark. Mais je pense que c'est du sépia. Je pense que un peu comme le nouveau clip de Adele. D'ailleurs, je niaisais avec ma blonde en le regardant. Je suis comme check bien dans un coin, et je pense qu'on voit Adele chanter là, dans un coin dans le fond. Mais je pense que c'est un genre. C'est comme brunâtre un peu. Là. Je pense que c'est. Je sais pas. J'ai tout le temps eu l'impression que c'était du sépia en fait. Mais je sais pas s'il y a un autre terme, une autre couleur pour ça spécifiquement. Là, mais en partant, je trouve que c'est une brillante idée que toute la première partie du film soit pas en couleur. Puis qu'au moment qu'elle arrive dans le pays d'Oz, que ça devienne tout en couleur. Puisque ça l'amplifie le côté qui est merveilleux, quelque chose de nouveau, tu sais, on va avoir à peu près la même réaction qu'elle, parce qu'on s'habitue, tu sais, le début est quand même un bon 30 minutes, si je ne me trompe pas. 30 minutes à développer, puis à s'habituer à ce format-là d'image, puis au moment où on transfère en couleur, c'est comme ouvrir un rideau avec le soleil pendant qu'on était dans le noir durant un long moment, là. J'étais comme, aïe, c'est vraiment le fun l'effet que ça fait parce que tu trouves juste le décor puis l'endroit encore meilleur. Puis ce que j'ai vraiment aimé là-dedans, c'est que, tu sais, oui, on va dire que c'est daté 1939 puis que la plupart des décors extérieurs, c'est fait dans des studios avec des peintures comme toile de fond. Mais moi, c'est quelque chose que j'adore puis que souvent, je trouve, ça permet de créer des décors vraiment qui sortent de l'ordinaire parce qu'on est supposé être dans un endroit magique. Fait que je trouve qu'il n'y a pas de meilleurs endroits qu'un studio pour recréer ça, souvent la plupart du temps. Puis la plupart des films de la Chabodeuse que j'adore, tous ces films-là sont faits avec des décors dans des studios, avec des peintures dans le fond, des faux arbres, ces choses-là. Mais la plupart du temps, je trouve que c'est tellement génial. Moi, j'adore ce style-là. Et je trouvais que dans Le Magicien d'Oz, ben ça fonctionne au max. Je veux dire, même si c'est une peinture dans le fond, je trouve que c'est à un moment donné, tu finis par paraît avoir l'impression qu'ils sont vraiment dans un espèce de univers assez gros et ouvert que c'est pas juste une toile de peinture pis à tout le temps te dire que c'est truqué ou que c'est mal fait là. J'ai plus de facilité à l'accepter dans un film comme Le Magicien d'Oz qui date de 39 qu'un film mettons comme The Birds de Alfred Hitchcock où ce que tu vois des décors puis qui date de 63 ou 60 quelque en tout cas puis tu fais ouais c'est 30 ans plus tard t'sais, la Chabrodeuse aussi, c'est les années 70, fait que j'ai un petit peu plus de misère pour les films plus récents, entre guillemets, t'sais, que c'est une vieille technologie des années... Le Machin d'Oz en 39, je l'accepte plus parce que c'est vieux, puis c'était encore un peu les débuts du cinéma, mais même si ça faisait déjà 40 ans que ça existait, c'était un peu encore débutant, fait que t'sais... Puis c'est beau, c'est quand même des belles peintures, puis pour l'univers enfantin, je trouve que ça marche, là. Mm-hmm. Puis, non, c'est ça, tu sais, on dit que c'est vieux, tout ça, mais comme tu dis, ça marche encore. Puis, mais, tu sais, moi, ce que j'aimais quand j'étais jeune, c'est ça, c'est tout le côté fantaisiste, tout ça. Puis, il y a des bouts dans le film qui me faisaient peur aussi. Là, je saute des étapes un peu, mais le film, il y a des bouts qui me faisaient peur. Puis, la sorcière, la première fois qu'on la voit, oui. Tu sais, elle a un rire, puis elle a une façon de jouer. De toute façon, je vais le dire tout de suite, cette actrice-là, elle me fait triper dans ce rôle-là. Là, elle a fait d'autres rôles dans sa vie, mais ça, c'est le rôle de sa vie, là, tu sais, puis elle est devenue immortelle en faisant ce personnage-là, puis... Non, elle est vraiment bonne. Elle est vraiment bonne, puis moi, quand j'étais jeune, j'étais un jeune qui est né en 77, puis donc j'ai peut-être vu ce film-là au tout début des années 80. Je m'en foutais totalement que le film était en 39. Je voyais même pas ça. T'sais, moi, dans ma tête, c'était juste un film. Il n'y avait pas d'époque. T'sais, l'époque, quand tu es jeune, tu la vois pas. T'sais, tu vois des films des années 50 ou des films des années 80 ou des films des années... Peu importe de quelle époque, tu la vois pas. Puis elle me faisait... Elle me rendait tout à mal à l'aise. Puis il y a une couple de passes dans le film qui me faisait peur, tu sais. Puis ça, je l'ai vu, ces scènes-là, encore de nos jours. Puis j'étais encore un peu mal à l'aise. Pourtant, je sais que c'est juste une femme avec du maquillage. Puis je suis comme... Elle vient comme à venir en dessous de, comme on dit, under my skin, tu sais, puis elle comme... Ouais, mais c'est ça le cinéma, ça, c'est supposé t'immerger, je veux dire, tu regardes un film de monstre que ça date des années 50 ou des années 2000, tu vas-tu te dire, ah, c'est juste un monstre en CGI, ça fait pas peur, mais tu sais, en tant que tel, quand t'es rentré dans le film, tu checkes pas les détails... techniques et effets spéciaux, si le personnage ou la créature, peu importe, t'es frais, mais que son maquillage soit simple ou cheap, peu importe, si ça marche, ça marche. Puis, je veux dire, je pense qu'en tant que tel, je sais pas si c'est parce que avec le temps, on vieillit, puis toi puis moi, on aime surtout des films de n'importe quelle époque, mais moi, quand je regarde un film, comme tu dis, je regarde un film, je me fous de l'année. J'ai envie d'écouter un film, je regarde pas l'année, puis je l'écoute parce qu'il me tente pour X raisons. Là, c'est sûr qu'en voyant ça, j'ai été surpris quand j'ai vu 1939, parce que je pensais dans ma tête que c'est un film des années 60, mais ça change rien dans ma vie que ça soit un film de 1939. Un de mes films d'horreur favoris, c'est Bride of Frankenstein, puis on s'entend-tu que c'est quand même un très vieux film aussi. Et je me fous de l'année, ce film-là, je le réécoute, puis je le trouve aussi bon qu'un film que j'écoute en 2015. Fait que pour moi, l'année change absolument rien quand le film est bon. Non, mais c'est ça, mais tu sais, on peut aussi développer une pensée critique, puis ben, tu sais, je dis pas que c'est pas le cas, mais on peut... Mais il y en a qui ont de la misère. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux prendre en compte aussi l'année en disant, dans ta critique personnelle, de dire... Ouais, mais tu sais, c'est un film de cette année-là, fait que c'est pour ça qu'il est comme ça. Tu sais, comme on a fait The Day the Earth Stood Still, c'est un film qu'il faut que tu te rappelles que c'est en 51, parce que c'est un film qui, en 2015, marche pas vraiment, tu sais. S'il était fait exactement pareil, il marcherait pas, tu sais. Mais comme tu disais, pour la morale de celui-là, que tu trouvais cheesy, c'est sûr qu'automatiquement, on va dire que ça va aussi avec l'année, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que là, l'année est importante quand même dans ton analyse, tu sais, dans l'analyse qu'on en fait, tu sais. C'est quelque chose que je pense qu'on peut plus pardonner, sachant dans l'époque que ça a été fait, puis la mentalité. Fait que... Oui. Puis, je reviens sur la sorcière, puis moi, ce que j'aime beaucoup du film, puis un des aspects qui fait que ça marche beaucoup, au-delà de toute la beauté visuelle, puis on va revenir, on va en parler aussi de tout ça, puis tu me diras ce que tu as pensé du 3D, mais moi, c'est le jeu d'acteur qui me marque, parce que j'ai étudié en théâtre, tout ça, fait que ça m'intéresse beaucoup. Puis c'est pas tant le jeu de Jodie Garland que moi je trouve un peu flat. T'sais, elle joue bien. C'est pas l'important. Mais je m'y attache pas tant que ça. C'est juste assez pour la suivre tout le long, pour avoir envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais ce qui est bien plus intéressant, c'est les trois autres avec qui elle va se faire. Trois amis, l'épouvantail surtout. L'épouvantail, Ray Bolger, je l'ai déjà vu dans d'autres films, ce gars-là, il est merveilleux, c'est un merveilleux danseur, c'est un très bon chanteur, mais la manière qu'il bouge comme épouvantail, là, c'est waouh, c'est unique. Il y a d'autres acteurs qui ont essayé de refaire ça, mais c'est comme non, lui, il s'est vraiment approprié ce personnage-là, puis c'est la manière qu'il marche, la manière qu'il bouge ses bras, sa tête, tout, puis c'est merveilleux, il est tellement bon, là. C'est surtout un style d'humour, puis un style d'acting qui est très ancré dans son époque, que j'affectionne, puis qu'on ne retrouve vraiment plus de nos jours. C'est différent, mais exemple, les films de Fred Astaire, puis t'as des trucs où c'est des mouvements, des danses, puis des prestations vraiment uniques qui sont vraiment ancrées dans leur époque, puis que j'ai jamais vraiment revu de quoi. Tu sais, des fois, tu vois des films de danse ou de dommages qui vont tenter de recréer ça, mais ça n'a pas le même feeling que lorsque tu revois les films. Puis je pense qu'on n'a pas le choix de retourner revoir ces classiques-là pour revoir ça. Tu sais, comme tu dis, Ray Bolger, c'est lui qui fait l'épouvantail. Il est génial. Moi, c'est le personnage que j'ai préféré, puis c'est le premier qu'on rencontre à part de ça. Puis toute la scène où il essaie d'apprendre à marcher, puis qu'il finit par danser, puis gambader partout, la scène est vraiment géniale. Là, je la trouve vraiment le fun. Ah oui, puis tu peux pas avoir quelqu'un d'autre qu'un danseur pour faire ce personnage-là, tu sais, dans ce film-là. Ça prenait absolument un danseur pour bouger de même, tu sais. Puis comme tu dis, c'est une façon de bouger de l'époque. Ça vient du théâtre. Tu sais, c'est un gars qui a probablement fait du théâtre à l'époque avant de commencer à faire du cinéma, tu sais. Fait que. C'est des vieilles traditions, la manière de bouger comme ça avec son corps. En tout cas, c'est vraiment, vraiment trippant la manière de le voir faire. Puis les deux autres aussi sont très bons. Là, sont un peu moins, on s'attache un peu moins, mais ils sont très très bons aussi. Là. C'est surtout qu'ils sont tellement différents, ils ont vraiment leur propre personnalité, puis je parle pas forcément juste du physique, mais ils ont vraiment des trucs distincts qui font en sorte que, veux, veux pas, on va tous avoir un favori. Puis moi, automatiquement, ça a été l'épouvantail. Quoique, j'avoue, j'ai beaucoup aussi apprécié l'homme d'acier. Oui. Le lion, je te dirais que c'est lui que j'ai un petit peu moins apprécié, même si je l'aimais pareil à la base. Puis son costume, je l'aime encore, même si c'est super cheesy, là, puis il se promène sur deux pattes et tout ça, mais... J'aime comment la queue, elle bouge. Oui, oui. C'est bien fait. La manière qu'il a de s'en emparer, puis de la tenir tout en ses mains quand il est nerveux, puis... Puis il est tout le temps comme, il y a quelque chose qui me pogne la queue, mais c'est lui qui l'a dans ses mains, tu sais. Comme... Non, il est pas pire pour ça, puis... Non, c'est ça, puis... qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'est ça, sont tous les trois très bons, sont très différents, puis... Ah merde, je voulais m'en aller, ce que j'avais... En tout cas, peu importe. Mais c'est ça, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'acting dans ce film-là, la sorcière, ces trois-là, puis surtout ces quatre acteurs-là là, qui sont très bons. Sinon, ils ont une belle chimie, ça fonctionne, ça fait un beau groupe que tu as envie de suivre dans cette aventure-là. Oui. Même le chien, je l'aime, Toto. Il sert pas à grand-chose, Toto. Non, il sert pas à grand-chose. Mais dans ce film-là, je l'aime. Je peux pas dire la même chose dans The Wiz, mais ça, on va revenir tantôt. Ce sont pas des étapes. Non. Qu'est-ce que je voulais... où c'est que je voulais en venir tantôt? J'ai pensé à quoi? Mais c'est ça, j'aime... Je vais continuer sur les affaires que j'aime. J'aime l'univers fantastique qui est créé dans ce film-là puis qui fait probablement partie du roman. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils ont, s'il y a beaucoup d'inventions dans ce film-là. Ben, tu sais, comme les arbres qui lancent le pomme, qui se fâchent. Ah, j'adore ça. Les arbres, là, ça me fait triper. Ça me rappelle vraiment... Ben, je dis ça me rappelle, le pire, c'est que ce film-là a été fait vraiment bien avant eux. Mais tu sais, des films comme Labyrinthe ou des trucs de Jim Henson où tu as des interactions avec justement des arbres ou des plantes ou peu importe. Ou surtout, je pense à la légende de Ridley Scott avec Tom Cruise. Mm-hmm. Ce style d'univers fantastique qui, moi, vient plus me chercher que d'autres. Exemple, Les Seigneurs des Anneaux, ces trucs-là, je suis pas forcément fan. Puis je dis ça, puis il y a des arbres dans Seigneurs des Anneaux. Oui. Mais dans ceux-là, je sais pas, il y a de quoi qui fait en sorte que j'apprécie vraiment. Puis c'est surtout que drôle parce que dans le fond, elle veut juste manger les pommes. Puis des arbres ne vont absolument en donner aucune. Fait que l'épouvantail va juste commencer à agacer les arbres pour qu'ils puissent pitcher leurs pommes sur le visage de l'épouvantail. Mais c'est juste un truc pour pouvoir en manger par la suite. Puis je trouve ça vraiment amusant. C'est drôle, dit de même. Les jokes dans le film ou les moments cocasses sont très, très simplistes. Oui. Qui ferait automatiquement rire un enfant, mais moi, ça me faisait automatiquement sourire, ça me donnait le sourire, parce que sont fun et agréable. Je sais pas, je trouvais ça vraiment contagieux, un peu comme plaisir. Puis, la manière que c'est joué, je reviens aux acteurs encore, c'est tout le temps joué avec, avec beaucoup de sérieux, c'est pas les personnages qui sont sérieux, mais je veux dire, les acteurs prennent au sérieux le personnage, puis ils nous font croire à ces situations-là, puis ils nous font croire à tout ce que les personnages vivent, fait que t'as pas le choix de rentrer. Ils te prennent pas pour un con, ils te prennent pas le spectateur pour un con, puis ils te regardent pas de haut non plus en disant, ben tu sais, t'es juste un petit idiot, toi, le spectateur, t'es juste, t'as un esprit d'enfant, fait qu'on va te traiter comme un enfant. Non, ils jouent ça, là, vraiment, tu sais, c'est des grands acteurs qui sont pris pour faire, ben pris, ils ont signé un contrat, sont engagés dans un film pour enfants, mais ils disent, OK, on va se donner à fond dans le film, tu sais, puis on va le jouer à fond, puis on va jouer ça comme si c'était The Red Shoes, comme si c'était Casablanca, comme si c'était un grand film, tu sais, puis ça va devenir un grand film parce qu'on joue, puis parce que les... Puis il n'y a pas juste eux autres, tu sais, les décors qui se donnent à fond, les décorateurs, puis tout, puis les... Tout le monde se donne à fond, tu sais, c'est ça, ils prennent ça au sérieux, même si c'est un film pour enfants, c'est ça qui est intéressant. On s'entend-tu que c'est souvent un gros problème dans les films pour enfants? Et là, je parle pas des films d'animation de Pixar ou ces choses-là. Je parle des vrais films pour enfants. Par exemple, les Mighty Ducks, ces trucs-là. Quand un film de même est fait pour enfants puis tu vas avoir des grands acteurs dedans, c'est plate parce qu'on dirait qu'ils se disent, parce que c'est un film pour enfants, ben ça va être une performance banale. Oui, je suis là pour le chèque de paye. Je suis là pour le chèque de paye. Je vais me mettre sur le mode automatique. Et c'est rare, pareil, hein, que tu vas... Ben, en fait, c'est pratiquement jamais arrivé, je crois, en tout cas, que tu vois des acteurs qui sont nominés aux Oscars pour un rôle dans un film pour enfants. En tant que tel, ça arrive très rarement parce que c'est tout le temps des films qui sont faits pour les Oscars. Oui. Mais je parle un peu avant qu'on sombre là-dedans ou qu'on pouvait avoir quelques films qui étaient surprenamment nominés aux Oscars. Je veux dire, c'est rare tu vois ça. À part peut-être Le Magicien d'Oz, y a-t-il des acteurs qui ont été nominés pour ça ou c'était... Laisse-moi checker. Sachez qu'ils avaient comme au-dessus de 13 nominations. On s'entend-tu dans ces années-là, c'est pas comme s'ils devaient avoir grand-chose aux Oscars forcément là, en 1939? Aux Oscars, ils ont eu... nomination, récompense. Est-ce qu'ils ont eu? Non, c'est juste des nominations. Meilleur film et meilleure direction artistique, meilleure photographie, meilleur effet visuel. Ce qu'ils ont gagné aux Oscars, c'est meilleure chanson originale pour Over the Rainbow, puis la meilleure musique de film. C'est la musique qui a gagné. Ok. Au Festival de Cannes, le film a eu la Palme d'Or. Nominé pour la Palme d'Or, je m'excuse. Parce que je reviens tout le temps à cet exemple-là, mais ça m'écœure quand les studios ou les scénaristes, peu importe, vont faire des films pour enfants, mais ils prennent vraiment les enfants pour des crétins, fait qu'ils vont y aller avec la facilité, les pets, les vomis, puis les jokes niaiseuses de mer. Et je reviens tout le temps aux Minions, parce que je trouve que c'est l'exemple parfait entre un film de Pixar, qui est un film intelligent pour enfants et pour adultes, et Minions, qui est un film spécialement pour les enfants avec des jokes de bananes, de pets, de bruit de bouche, ces choses-là qui... Tu sais, ça peut peut-être être amusant pendant 10 minutes, mais je trouve que c'est quand même prendre les enfants pour des... Pas des caves, ben, peut-être des caves, mais y aller avec la facilité. C'est vraiment y aller avec quelque chose de facile. Tu sais, rendu à 30 ans là, ou dans 20 ans, peut-être que l'enfant aura plus de plaisir à voir les Minions. Tandis qu'un enfant qui tripe justement devant les films de Pixar, ben d'après moi, il va autant les aimer les films de Pixar. Là. Puis moi, je me dis, si tu te donnes à fond dans un film, pour faire un film, tu dépenses des millions ou des milliers de dollars. Je sais pas à l'époque comment ça a dû coûter. T'as peu, le machin d'os. Ça... 2 millions que... Ben, tu dépenses ça, tu dis, au moins, je vais essayer... Tu sais, si pas, tu dis, au moins, je vais essayer de faire de quoi qui va durer, quelque chose qui va être vraiment être bon. T'essaies de penser au long terme. T'essaies de penser à qu'est-ce que les futures générations vont penser. Je veux dire, OK, je comprends que c'est pas tout le monde qui pense à ça en faisant un film, mais... Ce serait bien d'y penser plus souvent, de se dire qu'est-ce que dans 10 ans ou dans 20 ans ou dans 30 ans, on va encore penser à ce film-là. Puis pas juste penser à notre petite personne aujourd'hui, maintenant, tu sais, quand tu fais ton film, là, tu sais, de dire là, je fais mon film pour que les gens rient pour les prochains mois ou les prochains 6 mois, puis qu'après ça, on l'oublie, tu sais, le film. Ben après, c'est ça. Combien de films qui ont été sombrés dans l'oubli, puis qu'on veut juste pas se rappeler ou qui vont. Qui vont juste rester là-dedans. Je dis pas que c'était ça qu'il avait en tête en faisant Le Magicien d'Oz, mais les acteurs puis tout le monde qui travaillait sur le film se sont donnés à fond pour essayer de faire le meilleur produit qu'ils pouvaient faire, le meilleur travail qu'ils pouvaient donner. Puis ils se sont dit, ben au moins, en tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit, mais ils ont l'air de s'être dit qu'au moins, on aura fait le mieux qu'on peut, puis en espérant que ça donne un bon résultat, tu sais. Puis ça a donné un très bon résultat parce que tout le monde s'est donné à fond. Puis qu'encore aujourd'hui, en 2015... Le film est toujours aussi bon, toujours aussi apprécié, puis c'est un grand classique du cinéma, veux pas, qu'on aime ou pas le style. Oui, tu sais, puis on peut le trouver vieux, on peut trouver... Il y a des gens qui peuvent dire que c'est pas bon, qui peuvent penser que c'est pas bon, c'est correct, je vais les respecter, tu sais, mais... N'empêche que ça tient la route encore, je trouve. Ben, vraiment, honnêtement, là, gars... c'est drôle, alors je parlais, c'est comme... Je m'en fous de l'année, mais je reviens tout le temps sur le fait qu'il a été fait sur 1939, mais... Tu sais, 1939... Il y a des effets spéciaux là-dedans qui m'ont vraiment jeté sur le cul pour la date. Là. Je veux dire, moi, la scène de la tournade, là, elle était écœurante. Oui, hein? C'est vraiment bien fait. Je me suis demandé comment est-ce qu'ils l'ont fait, je le sais pas. La tournade qu'on voit en background, je sais pas. Ouais, je me dis, OK, t'es au loin, ça doit être style d'effet, mais tu sais, plus ça va, plus la tournade se rapproche vraiment. Puis l'effet de la tournade, ça a vraiment l'air d'une tournade, tu sais, c'est vraiment bien fait. Puis j'étais comme, aïe, aïe, pour un film de 1939, c'est dingue, là. J'écoute des films d'aujourd'hui, puis des fois, les scènes de tournade sont ratées, tu sais. tu vois que Twister a rien inventé quand tu vois une vache passer dans la fenêtre à Dorothée. Ah, mais tu sais que j'ai réalisé avec ça, ça... Je viens de voir la référence. Un peu comme le Tlatou Veratanictou de Army of Darkness, que ça venait de l'autre, de l'autre film. Là, j'écoute la scène que Dorothée, sa maison, en va dans le tournant, en vol. Puis là, elle voit la sorcière à travers la fenêtre, elle avait sur son balai qui rit. Puis là, j'ai comme fait un déclic. Je fais « My God, c'est la scène de Freddy dans Freddy Nightmare's Dead, le 6e volet. » Oui, c'est vrai. Le personnage principal, il est dans une maison volante, puis Freddy arrive en balai par la fenêtre. Puis c'est j'ai comme fait... là, encore, je me dis encore plus à quel point ce film-là est ridicule, mais c'est quoi l'idée de faire de Freddy une sorcière du Magicien d'Oz, mais pareil, j'ai trouvé ça le fun de réaliser que c'était ça par la suite. Il y a des références partout, à tout bout de champ, je tombe sur une référence du Magicien d'Oz, c'est incroyable. Comme tu parlais de Jim Henson tantôt, puis des films des années 80, c'est sûr que Jim Henson puis tous ces réalisateurs-là ont vu le Magicien d'Oz à une époque. Ils se sont inspirés. T'sais. Quand ils étaient jeunes, tu sais, puis... Fait que c'est ça. Dans n'importe quel film de fantastique puis de magie, je suis sûr que le Magicien d'Oz a tout le temps été une source d'inspiration. Sûrement. Puis tu sais, Tolkien a écrit Le Seigneur des Anneaux avec ses arbres qui parlent. Il a écrit ça dans les années 50, si je ne me trompe pas, ou 40. C'est après le Magicien d'Oz. Le Magicien d'Oz, en fait, le roman date de 1900, tu sais, ou de 1899, quelque chose comme ça. Fait que c'est tout, ça a tout, veut pas été un petit peu inspiré en partie par ces affaires, par l'écriture de L. Frank Baum du Magicien d'Oz. Je voulais revenir, tu parlais des effets spéciaux qui étaient impressionnants. T'sais, j'aime beaucoup. Là, je saute des étapes puis je m'en vais à la fin, mais... Ouais, il n'y a plus d'étapes, c'est correct. Là. La face du Wizard, quand il apparaît, là, t'sais, le gros visage d'Alien, t'sais, je trouve ça vraiment bien fait, puis ce gros visage-là. C'est juste... Ouais. C'est quelqu'un qui a un maquillage, probablement, là, t'sais, mais j'aime ça. Puis je me dis, en 39, il n'y a personne qui avait vu un visage comme ça. Parce que les visages d'Alien qu'on est habitué de voir, un peu comme dans Mars Attack, les grosses têtes comme ça, ça date des années 40 ou 50, ça, mais pas en 39. 39, personne n'avait vu de visage comme ça, même pas d'un dessin animé, ou pas d'un dessin animé, mais d'un comics, là, avec des martiens puis tout. Ça n'existait pas vraiment, c'est arrivé plus tard, ça. Roswell, c'est arrivé en 47, des images de martiens, là, puis d'extraterrestres verts, tout ça, c'est arrivé plus loin un petit peu là, dans le temps. Là. C'est drôle, dès que je l'ai vu, moi je pensais automatiquement au visage dans Power Rangers qui donne l'émission Power Rangers, puis j'étais comme, ça serait drôle que dans le fond, ils se soient inspirés justement de ça dans Oz, le gros visage de lumière. Mais c'est drôle parce que la première fois qu'on rencontre le magicien d'Oz, c'est pas la vision que je m'avais faite de ce gars-là. Non. Je m'attendais à quelqu'un de... Venez, je vais vous aider avec plaisir. T'sais, comme les autres personnages de cet univers-là, qui est full enjoué puis sociable. Pis la première fois que tu te rends compte, ça a juste l'air du diable en personne, avec la grosse voix imposante, puis full impoli. Puis j'étais comme, my god. Puis à chaque fois qu'on le revoyait comme ça, j'étais comme, c'est-tu vraiment ça, le magicien d'Oz? Je fais, c'est bien creepy. c'est creepy, c'est un bon mot pour le film, parce que par bout, c'est creepy. Tu prends les singes volants, tu prends la sorcière, tu prends le magicien et tout, puis il y a beaucoup de bouts de creepy. L'armée aussi de la sorcière qui travaille pour elle, tu sais, qui font des « oh oui oh. ». Ça peut être épurant aussi pour un enfant, puis il y a oui. plein d'affaires creepy dans ce film-là. J'aime beaucoup le château de la sorcière vers la fin, toutes ces scènes-là, là, tu sais, c'est super beau, puis j'aime beaucoup comment est-ce que le réalisateur il filme ces scènes, parce que je sais toujours où ça se passe. Il place toujours sa caméra de manière à ce qu'on voie... il fait toujours tout le temps un cadrage intéressant. On voit toujours quelque chose au fond, un background, pas une chute, mais une forêt quelque part ou quelque chose. Ouais. Il place tout le temps sa caméra de manière intéressante. Puis tout le temps, c'est ça, avoir un genre de cadrage un peu artistique aussi. C'est tout le temps beau, je trouve. Même si c'est un film pour enfants, ça reste que c'est beau visuellement. Puis il y a vraiment beaucoup de talent derrière la caméra. Puis... T'as des scènes incroyables, là. Moi, la scène dans le champ de fleurs, là, ah oui. Je trouvais qu'elle était écœurante, là. Oui, oui, oui. Puis je vais tout de suite le mentionner, parce que ça l'a amplifié, je te dirais, mon appréciation, mais lorsque j'ai débuté le film en 3D, je voyais le petit logo de MGM au début, puis tu sais, il était pas en 3D, rien, tu sais, c'était un effet ben normal, j'ai comme fait... Ah, ok, non, ça va être raté, ça va rien changer, ça va rien apporter. Et la première scène qu'on voit en noir et blanc, puis qu'on voit les habitants de Roté avec le chien, puis tout ça, ah, ça m'a tapé dans l'œil. L'effet de profondeur est hallucinant. Je revenais pas, c'est débile. Je pouvais littéralement voir en plusieurs degrés les fonds de décor, puis ça. Plus je me mettais droit devant la télévision, plus je voyais les objets comme si ça sortait à cause de l'effet de profondeur. Et j'en revenais pas pour un film de 1939. Honnêtement, oui, on peut faire un transfert qui est vraiment cool avec un vieux film parce que sur toute la durée, l'effet de profondeur, le Magicien d'Oz, ça fonctionne à fond. Et t'as même des moments où que c'est pas loin de sortir de l'écran. À chaque apparition de la sorcière, à chaque fois que c'est le plan ou qu'on la voit face à face avec elle, avec ses mains, je te le jure, on dirait que les mains sortaient l'écran de la télévision. Je revenais pas. Pareil pour le passage avec la neige où il commence à neiger. Les premiers flocons qui tombent, ils sortaient littéralement de la télévision. Puis toutes ces scènes-là, la scène dans le champ de fleurs, je me croyais vraiment dedans. C'était immersif. Et pour moi, c'est ça la 3D. Il y en a qui demandent c'est quoi l'utilité. Tu sais, je vois pas quelle utilité ça pourrait apporter à un film. Je suis d'accord. Tous les films qui sont des drames ou des trucs où c'est plus basé sur les dialogues, des trucs juridiques par exemple, c'est complètement inutile en 3D. Mais des films fantastiques où tu as des beaux décors ou peu importe, moi je trouve que la 3D ça sert à une chose, c'est juste de rendre l'expérience plus immersive, de juste de faire en sorte que tu rentres encore plus dans le film. Ça sert juste à ça pour ma part. C'est pas tout le temps de me faire pitcher de quoi d'en face. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait pas de quoi qui sort de la TV aux 5 minutes. Mais s'il y a un effet de profondeur, puis j'ai vraiment l'impression de voir quelque chose de plus que si je l'écouterais en 2D, mais moi, déjà là, je trouve que la 3D réussit, puis ça donne un effet différent. J'écouterais pas un film en 3D à chaque jour ou deux, trois d'affilée parce que ça devient gossant à longue pour les yeux. Mais de temps en temps, comme ça, tomber sur un film de même où l'effet est réussi, vraiment, moi, j'adore. Puis de temps en temps, ben, je profite de ma télévision 3D même si j'ai pas une grosse collection. Puis le Magicien d'Oz, honnêtement, si vous l'avez jamais vu puis que vous avez une télévision 3D, achetez-le, ça vaut vraiment le coup. Moi, j'ai vraiment été impressionné, puis j'étais encore plus curieux de tenter d'autres vieux films en 3D. Je pense que je vais vraiment tenter l'expérience ailleurs. Ben, tu vois, moi, je l'ai déjà dit, je suis pas un fan de la 3D, mais là, tu me rends curieux de voir cette version-là. Je pense pas qu'un jour je vais m'acheter une TV 3D. Là. Je suis pas un gros fan de ça. Puis je me suis brûlé au cinéma aussi avec des 3D. T'sais, avec des films qui étaient vraiment en poche en 3D. Puis j'avais l'impression de me faire voler, puis j'étais comme non, gars, Je pense que j'avais été voir Godzilla, IMAX 3D, tout le kit, puis zéro effet 3D. Puis tu sais, quand je dis zéro effet 3D, c'est même pas d'effet de profondeur. Là. C'est comme si j'écoutais le film en 2D. Puis ça, je trouve ça vraiment insultant. T'sais. C'est comme tant qu'à faire, mets-les pas en 3D ton film. Tu sais, quand un film de 1939 est plus en 3D qu'un film de 2015, 2014, il y a un esti de problème. Là. Oui, oui. Non, c'est juste souvent une gimmick pour te faire payer 3$ de plus. Là. Ouais, malheureusement. Puis je pense que je m'étais brûlé avec Man of Steel. Fait, non, gars. Ah oui, non, je suis d'accord. Moi aussi, je l'ai vu en 3D, puis c'était très décevant. Mais en fait, tu sais qu'est-ce qu'il te reste à faire? Tu viens me rendre visite? Oui. On va se retaper le Magicien d'Oz en 3D. Le pire, c'est que le monde le sait peut-être pas, mais on fait le podcast souvent. On en fait beaucoup d'épisodes, mais on s'est juste vu une fois dans la vraie vie. Ouais, on habite quand même assez loin. Hein, ah, 5 heures de différence à peu près. Il y en a qui se disent, ben, 5 heures de char, ça se fait bien. Ouais, je suis d'accord, mais on peut pas se voir chaque semaine. Non, ça la donne pas. J'ai pas de permis. Il faudrait que j'attende après ma blonde pour avoir une occasion d'aller par là. Fait que... Prends un balai puis viens en volant. Ah, c'est ça l'affaire. C'est le truc. Ou ça me prendrait la petite poule. La petite poule. La petite poule? La petite poule. Voilà, une petite poule, oui. ça me prendrait la poudre de Peter Pan. Ah, ok, ça, ça a plus d'allure. Puis penser à quelque chose de positif, là. J'avais juste l'image de toi qui s'envolait sur une poule. J'étais comme, c'est ordinaire, là. Aïe. Revenir 2 secondes sur les moments creepy. Un moment qui est banal, peut-être, maintenant, avec un regard d'adulte, mais moi, je le trouve encore un peu fatigant parce que, comme je disais au début, il y a des bouts dans le film qui m'ont vraiment... pas terrifié, pas traumatisé, mais juste... qui me rendait mal à l'aise quand j'étais jeune. Et à un moment donné, où ce que Dorothée est prisonnière du château de la sorcière, puis la sorcière est toute seule à côté de la boule de cristal, puis elle se met à pleurer, puis à implorer sa tante, en français, c'est la tante Olympe, là, je l'ai réécouté en français encore, je l'ai tellement vu un million de fois en français, ça me tentait pas de l'écouter en anglais, puis sa tante Olympe, puis à un moment donné, on voit sa tante dans la boule de cristal qui dit « Dorothée, t'es où, on te cherche partout, blablabla. » Puis à un moment donné, La tante se transforme en sorcière, l'image devient celle de la sorcière, puis la sorcière, elle nous regarde, nous, direct dans la caméra, puis ça fait un peu le même genre d'effet que j'avais dans les... que j'ai eu plus tard, des années plus tard, dans les Demons de Lamberto Bava, où ce que les démons te regardent direct, tu sais. Puis elle a une face un peu qui aurait pu fitter dans un film de Demons de Lamberto Bava. Fait que ça, quand j'étais jeune, le visage de sorcière qui me regarde moi dans les yeux, là, ça faisait peur. Ça faisait très peur. Ça rendait mal à l'aise. Là. Puis... C'est drôle que tu parlais de cette scène-là, parce que lorsqu'elle voit sa tante en train de faire... de parler avec un fond noir puis de manière très, très sérieuse. Moi, ça me rappelait dans Evil Dead 2 l'apparition du grand-père, du père de la jeune fille dans la pièce. L'apparition de fantôme, ça me rappelait un peu ça. J'étais comme... je trouvais déjà ça creepy en ce moment. J'imagine pas jeune. Puis surtout la finale avec la sorcière qui a été reprise dans Roger Rabbit. C'est vrai. À la fin, c'est la même scène puis il dit les mêmes paroles. Okay. C'est vrai, t'as raison, j'avais oublié ça. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Roger Rabbit. C'est là que tu te rends compte à quel point c'est vraiment. Il y a des clins d'œil, des hommages partout. Puis ma blonde me disait la même chose pour quand j'avais découvert pour la première fois The Usual Suspect. Il dit un coup, elle me disait un coup, tu vois ce film-là, là tu te rends compte à quel point il y a des références partout. c'est vrai. C'est très vrai. Mais la finale, ça c'est mon gros problème. Puis c'est pour ça que, un peu, que je vais vouloir lire le livre. C'est que il n'y a rien qui est donné comme explication pourquoi la sorcière craint l'eau, puis pourquoi l'eau a cet effet-là sur elle. Parce qu'il me semble que j'ai rien compris dans le film, même si je l'ai vu un million de fois, il n'y a rien qui me dit pourquoi est-ce que l'eau est supposée avoir cet effet-là. C'est vraiment juste un accident, tu sais, que Dorothée tombe sur exactement la bonne chose qui va la débarrasser de la sorcière. Tu sais. Y avait-tu d'autres films de sorcières à l'époque où que c'était un peu, tu sais, comme les vampires avec l'ail, ces choses-là qui sont supposées... J'ai l'impression que c'est vraiment juste, tu sais, que L. Frank Baum, l'auteur, il s'est fait une mythologie, que tous ces personnages ont leur propre façon de procéder, qui sont indépendants de toute autre œuvre autour, tu sais, je pense pas que la sorcière fit avec les autres, à part le balai, puis le chapeau, puis son apparence, je pense pas que... Elle a les mêmes règles que les autres sorcières. Je pense qu'elle a vraiment ses propres règles à elle, là, je sais pas. En fait, le seul lien qu'elle aurait, c'est avec les aliens de Shyamalan dans Sing, où avec les lots, ils peuvent être blessés. Fait que ouais. Je pense pas mal de liens qu'on peut faire. Parce que c'est ça, tu sais, à la fin, elle va. Pour ceux et celles qui l'auraient pas vu puis qui voudraient se faire spoiler, tu sais, mais je pense pas qu'on peut en parler, là. Elle se fait asperger de l'eau, puis à fond, dans le fond, elle se dissout, tu sais, en anglais. En français, elle dit « je me dissous », puis en anglais, c'est « I'm melting ». Mais de manière très douloureuse et très sérieuse, là. C'est pas drôle, là. Non, c'est ça. Je reviens encore à ce point-là. Tout est fait de manière vraiment intense et dramatique et sérieux, puis tu y crois. T'sais, quand t'es jeune, t'es devant ton écran, tu fais « La sorcière à fond, c'est malade. » Puis c'est bien fait, ce petit bout-là. Puis moi, ce que j'aime, c'est aussi ses apparitions. Elle, un moment donné, au début, on n'en a pas parlé des petits nains, là, des munchkins, mais elle apparaît dans le village, puis elle apparaît de nulle part. Puis elle apparaît dans un nuage rouge, puis après ça, plus tard, elle va disparaître dans le même nuage. Puis le plan, il coupe pas vraiment. T'sais, peut-être qu'il coupe, peut-être que j'ai pas remarqué, mais elle disparaît vraiment. Là, puis, Le plan n'est pas coupé pantoute, mais elle descend dans un plancher, selon moi. Là. Probablement, tu sais, parce que ça, la fumée se dissout, puis elle n'est plus là, tu sais. Puis je suis comme, OK, je comprends qu'il y a des magiciens sur scène qui vont faire ce genre d'affaires-là, fait que c'est peut-être aussi un truc de magicien à la... David Copperfield. Ouais, mais je cherche son nom, le Québécois, voyons, le jeune là, qui est super hot, là. Il fait pas ça, là, il fait pas de Alain Choquette? Non, c'est pas vrai. Pas Alain Choquette, mais l'autre qui est souvent sur RTV, là. Ouais, je sais de qui tu parles. Je sais pas son nom, là, mais... En tout cas, il fait pas de trucs... Luc Langevin. Exactement. Mais il fait pas d'affaires de même, mais c'est ça, c'est un vieux truc de magicien de disparaître dans un nuage de fumée, en tout cas, je pense, là. Il me semble que dans ma tête, ça évoque ça, tu sais, puis... c'est peut-être ça qu'ils ont utilisé comme effet spécial, ou c'est peut-être, comme tu dis, un plancher, ou des... En tout cas, peu importe, mais... Je trouve ça bien fait quand même, tu sais, quand t'es impressionnable, t'es jeune, tu regardes ça, tu fais « wow, la sorcière a vraiment disparu ». Puis quand t'es vieux, comme moi, puis t'as encore un petit côté impressionnable en dedans de toi, tu fais « mais comment est-ce qu'ils ont fait ça? » T'sais, j'ai étudié en cinéma, mais je comprends pas vraiment plus, là, t'sais. Mais c'est ça, comme tu disais tantôt, il y a des moments qui nous... comme la tornade, tout ça, tu fais « mais comment est-ce qu'ils ont fait ça exactement? » C'est en 39, mais je comprends pas vraiment, tu sais. Je pense pas, tu sais, qu'il y ait un vidéo making-of, là, on s'entend, des bonus features. J'ai beaucoup, beaucoup de bonus sur mon DVD, il y a un commentaire audio, il y a des tonnes de bonus, mais j'ai pas tout regardé, puis il faudrait que je check, tu sais, il y a peut-être, tu dis ça, là, mais peut-être qu'il y en a des bonus parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Faudrait que je check sur mon Blu-ray parce que c'est supposé être le tant que anniversaire. Fait que peut-être ouais. qu'il y a des nouveaux bonus dessus. Faudrait que je vérifie. Ça aurait été fait en 2009 ou 2014, genre. Parce que en 39, c'est souvent les anniversaires aux 5 ans. Fait que ça va être genre soit le 70e. 39-2009, ça serait quoi? À moins qu'il ait sorti pour quand Oz de Rémi avait sorti, je crois. 2012. Ouais. Ça tomberait pas sur un chiffre de... Un multiple de 5, là, mais en tout cas. Peu importe. Les Munchkins, qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, ils sont pas là très longtemps. Non. Fait que... correct. C'est pas les personnages que j'ai le plus appréciés, puis non. Encore là, sont pour... sont pas très présents. Pas s'ils pourraient le faire encore aujourd'hui. Si les, ça serait mal vu de prendre autant de nains puis dans un film. Ben, moi, je pense juste que ça serait fait à l'ordinateur. Là. Oui, oui, c'est vrai. Les nains sont plus autant utilisés de nos jours. Qu'est-ce qu'ils avaient fait dans le remake de Willy Wonka pour les Oompa Loompa? Je me souviens plus. C'est vrai. C'était-tu des... Je m'en rappelle plus si c'était des nains ou si c'était des adultes, mais filmés de manière à ce qu'on croit qu'ils sont plus petits, un peu comme les Hobbits là, dans ouais, Le Seigneur des Anneaux. Dans l'original, c'était des vrais nains. Dans ouais. Le remake, je me souviens pas. Puis comme tu dis, dans les Hobbits, c'est vrai, puis dans Le Seigneur des Anneaux, c'est des adultes. Ouais, d'après moi, ils ont fait ça comme ça, si je me trompe pas. À moins que c'était pas de l'animation, non? Non, c'était des vraies personnes. Avec un gros costume de latex, là. Ouais, c'était pas super... Moi, je préfère les originaux, là. Ouais, ben, je l'ai jamais vu. Ah, ok. Mais j'ai vu la nouvelle mouture de Burton, puis j'avais pas trippé. Ben, un jour, peut-être, au podcast, on fera le... Ah, il y en a plein. Fait que, y a ça, ouais, les Munchkins, c'est correct. C'est drôle quand t'es jeune, puis quand tu vieillis, là, je le regardais, j'étais comme, ok, on peut-tu passer à d'autres choses, là, c'est dole. C'est nécessaire dans l'histoire, mais c'est dole. T'sais, ça prend quelqu'un pour lui montrer, pour l'accueillir, pour lui montrer tout ça, mais en même temps, Glinda a fait ça, la bonne fille a fait ça, tu sais. Ouais. Fait que ça aurait pu être juste la bonne fille, mais ça aurait pas été aussi impressionnant, t'sais. Mais j'aime les décors, j'aime le petit village, puis les costumes sont super beaux, puis tout, il y a quand même beaucoup de dessins. Dis-le même, c'est ridicule parce que la couleur apparaît, t'sais, mais c'est très coloré. Oui. T'sais, sans vouloir faire un jeu de mots, peu importe, parce que la couleur apparaît, mais c'est vraiment très coloré. Puis je pense que c'est justement ça le but, puis c'est en 39, les films couleurs, ils n'avaient pas encore tant que ça, puis... Ça devait être assez impressionnant. Là. Je peux pas me mettre dans la tête. Mais c'était pas le premier, ça? C'est possiblement le premier, oui. Mais ça devait faire un impact. Il y a eu des expérimentations, même dans les années 10. Mais là, je ne remonterai pas jusque-là. Mais j'ai déjà vu le Ben-Hur de 1925. Pas le Ben-Hur avec Charlton Heston de 59, okay. Mais celui de 25. Ouais, je me souviens plus. J'allais dire que c'est Cécile B2000 qui a réalisé, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, non, c'est pas lui. Mais il y a quelques scènes qui sont... originalement en couleur, ça n'a pas été coloré par après, c'était vraiment en 25. Il y a quelques scènes où ce qu'on voit le Christ, on voit Jésus, mais tu sais, on voit juste genre son bras ou quelque chose comme ça, on voit jamais Jésus au complet, mais ces scènes-là sont colorées, c'est de la vraie pellicule couleur. Il y a eu des expérimentations comme ça au fil des années, mais je pense que tu as raison qu'en 39, c'était le Magicien d'Oz, c'était le premier vrai film en couleur. Faudrait que je vérifie voyons. Autant n'importe le vent est en couleur, puis je sais pas s'il est sorti avant ou après. Mais ouais, t'as peut-être raison. Il me semble que j'avais entendu dire ça aussi quand j'étais jeune. J'ai oublié ce détail-là. Mais non, ça frappe. C'est comme tu dis, cette scène-là, la scène des Munchkins, ça frappe, là, t'sais, parce que c'est justement ça le but, je pense. Puis, mais c'est ça, tout est beau à voir. Tout, t'sais, la forêt où ce qu'elle rencontre l'homme de fer, tout est le champ, comme tu disais, la cité d'émeraude, très belle aussi, même si tout, tu vois que c'est tout fake, c'est des dessins puis des... Ouais, mais c'est pas grave, ça fonctionne. T'as envie de te faire minoucher comme eux autres, ils se font oui. ils sortent de là, sont tous bien pomponnés puis tout, t'sais. Le gardien qui pleure parce qu'il entend parler de la matante, puis dit moi aussi j'ai une tante là, parce qu'en français il dit ça, mais fait rire, tu sais, puis... je pense qu'on a fait le tour pas mal, mais c'est un film vraiment, vraiment... C'est un film qui mérite son statut, tu sais, de classique, il mérite ça, puis Tu sais, pour quelqu'un comme moi qui l'a découvert pour la première fois, puis que ça n'a pas été un film de ma jeunesse, comme ma copine qui connaît toutes les chansons par cœur, puis là, à chaque fois que qu'il y avait une scène qui arrivait, elle était comme « C'est mon butch! » comme moi, mais ça me l'a dit comme un peu trop souvent. Mais j'ai beaucoup apprécié, j'ai eu beaucoup de plaisir, puis c'est le genre de film que ça va me faire vraiment plaisir de le faire découvrir à mon enfant, mais qu'il soit un petit peu plus vieux. Puis non, j'ai vraiment aimé ça. Quand j'étais petit, je pense que j'étais assez... Je pense que je m'étais mis dans la tête que Dorothée avait vraiment visité le pays d'Oz. Là, je regarde le film et je suis comme, OK, mais c'est assez évident là, qu'elle a rêvé. Il n'y a pas vraiment matière à se poser la question. Mais j'aime encore croire qu'elle l'a vraiment visité. Mais ce que je trouve un peu cheesy, comme j'ai dit au début, c'est la morale, tu sais, qui est... morale très simple, puis un petit peu trop moralisatrice pour moi, qui est comme un... Dans le fond, c'est un film anti-fugue. C'est un film pour dire aux enfants, quittez pas la maison, parce que à la maison se trouve tout ce dont vous avez besoin, tu sais. À la fin, elle se posait dire, tu sais, there's no place like home, il y a pas d'autre endroit que la maison, c'est la place où on se sent le mieux. Puis tout le long du film, elle veut retourner à la home, à la maison, tu sais, qui est comme... cet endroit rêvé, cet endroit extraordinaire où on se sent bien chez soi, tu sais. Mais ça y prend tout ce voyage-là pour se rendre compte à quel point ça y manque, tu sais. Puis je trouve ça poche aussi qu'à la fin, elle quitte ses trois amis avec qui elle a formé un super de belle amitié, puis ils ont vécu toutes sortes de petites aventures, puis là, elle les quitte, puis elle les reverra peut-être plus jamais, puis elle préfère retourner dans son Kansas qui est plate à mort, tu sais. Puis... Ouais, mais elle n'a pas le choix, elle se réveille. Je sais bien, puis elle dit une phrase où... ça fait longtemps que je n'ai pas écouté en anglais, mais elle dit une phrase en français où l'épouvantail, puis elle dit « C'est toi que je m'ennuyais le plus. » Puis je suis comme « Voyons, les deux autres sont à côté, là, tu sais. » Ouais, non, c'est ça, je me disais la même affaire, je fais « C'est bien chien, ça, même si c'est vrai que moi, avec, c'est lui, je m'ennuierais le plus, là, mais... » Oui, mais les deux autres, ils viennent juste de... Tu sais, ils regardent ça, puis je suis comme « Oh, c'est ça, on est de la marde, nous autres, tu sais. » Là, tu vois l'homme d'acier qui sort sa hache puis il tranche la tête. C'est ça. Puis, non, c'est ça. C'est la petite morale de dire, ben, il faut pas partir de la maison. Il faut rester près. Elle est pas si grosse que ça. Je trouve pas que c'est quelque chose d'imposant. Morale. C'est quelque chose qu'on en retrouve assez souvent pareil. T'sais, une salle d'art, veut pas, c'est quand même là comme morale. Mm-hmm. Un peu. Ouais, c'est pas... Non, c'est correct. Je l'avouais plus maintenant que je suis adulte. Avant, elle me dérangeait pas partout parce que je la voyais pas. Là, mais... J'ai plein de feu que Jeff, puis c'est pour ça. Là. Fait que je pense qu'on a fait le tour. Oui. Fait que c'est un classique qu'on recommande fortement. Oui, oui, oui. Oui. Pour les petits puis pour les grands. Exactement. Puis tous les autres dans le milieu. Il y a un film quoi? Un film familial. Pour tout le monde. Y a-t-il une chanson qui t'a marqué plus que les autres? Oui, la toune sur le magicien d'Oz quand le groupe d'amis se dirige vers lui. Ok. Fait qu'on en route, là, je me rappelle plus les paroles parce que je le connais pas assez par cœur, là, mais elle restait en tête puis je la trouvais vraiment bonne. Fait qu'on va écouter celle-là, parce que je pense qu'elle joue à quelques moments dans le film, mais on va écouter celle avec les. Je pensais que tu dirais le titre, mais pour quelqu'un qui l'a vu des paquets de fois, tu connais pas le titre. je pense que c'est, voyons, We're off to see the Wizard. C'est We're off to see the Wizard, si je me souviens bien. Exactement. Puis, il y a joué une couple de fois dans le film, puis on va écouter celle-là, j'imagine, avec. Je pense que je vais prendre celle-là qui a tout le monde dedans, avec le lion, puis. Ouais. Fait qu'on va écouter un petit. Bon, pas juste un petit bout, on va écouter la tune. Puis on revient tout de suite avec The Wiz. Oh, we're off to see the Wizard, the wonderful Wizard of Oz. We hear he is the Wizard of a Wiz, if ever a Wiz there was. If ever, oh, ever a Wiz there was, the Wizard of Oz is one. Because of the wonderful things he does. We're off to see the Wizard, the wonderful Wizard of Oz. Eh bien, nous revoici avec notre deuxième film de ce podcast Magicien d'Oz. Nous y allons avec le Nanar Navet de Wiz. Un film qui a été fait en 1978, c'est réalisé par Sidney Lumet. What? Ouais, exactement, parce qu'on a déjà critiqué un de ses films ici, qui était Network, qui était un putain de chef-d'œuvre, vraiment. Moi, ça a été une grosse découverte, ce film-là. Et ça m'a montré à quel point ce réalisateur-là était très talentueux. Et on a au casting Diana Ross, Michael Jackson, et on a également Ted Rose et plusieurs autres. Est-ce que tu veux dire celui qui joue le sorcier? Tu le connaissais-tu? Oui, mais j'ai oublié son nom, par contre. Richard Pryor. Richard Pryor. J'ai été très étonné de le voir là. qui a scénarisé le film aussi? Oui, t'en fais pas, j'allais mentionner ça. C'est d'accord. Joel Schumacher. What? Le réalisateur de Lost Boy, puis La Cabine, puis en tout cas... J'étais comme, ah ouais, ben faut pas oublier Batman et Robin aussi, hein, les amis. Mais il l'a pas scénarisé. Mais... Et c'est con, mais ensuite, quand tu vois le producteur, c'est Rob Corin, qui a fait Rapide et Dangereux, qui a fait Pompier en alerte avec Kurt Russell. En tout cas, putain de grosse team dans tous les départements. Le gars qui a réalisé la musique, c'est Quincy Jones. Comme Quincy Jones, c'est comme le plus grand réalisateur musical des années 80 ou presque. C'est lui qui a réalisé Thriller puis Bad de Michael Jackson. Puis tu sais, c'était avec Daniel Lanois qui a réalisé, le Québécois qui a réalisé des albums de Peter Gabriel puis de U2. Quincy Jones était pas mal parmi les 2-3 plus gros des années 80. Il a fait We Are the World aussi. Puis tu sais, des gros hits là. Puis Daniel Gucci, je pense. Puis des sortes de gros hits. Toute l'équipe qui est là, tu te dis, Chris, c'est impossible. Ça peut pas. pas donner un grand film. C'est impossible. Et l'histoire en tant que telle, ben en fait, c'est la même affaire que l'autre, mais transposé dans un milieu urbain afro-américain. Et ça raconte l'histoire, de, encore une fois, de la petite Dorothée. Ouais, on va reparler après de ça. D'accord. La petite Dorothée, jeune institutrice de Harlem, qui va se lancer à la poursuite, encore une fois, de son chien Toto, qui va s'enfuir dehors durant une espèce de tempête de neige. Et par un moment assez bizarre, elle va se faire transporter à travers la tornade dans un Harlem rempli de fées, de sorcières et de magiciens. Et elle va tenter de rencontrer le magicien d'Oz pour réussir à rentrer chez elle avec son ami Toto. Et au courant de son aventure, bien évidemment, comme dans l'autre, elle va rencontrer ses nouveaux amis qui sont l'épouvantail, l'homme d'acier et le lion. Je pense qu'il n'existe pas de version française, mais je vais essayer d'en trouver. J'ai complètement oublié de chercher ça. Oui, elle existe. D'accord. Alors, si je peux la trouver, on va mettre un extrait. Sinon, ben, on va mettre un extrait quand même, mais ça va être un extrait du film en anglais. Alors, on écoute ça et on revient tout de suite. Cette fois, je crois que je vais y arriver. J'en suis sûre. Il suffit d'un peu de confiance en toi, de coordination de gestes et tout ira bien. Tu veux dire que le seul obstacle qu'il y avait entre moisir sur ce perchoir et vivre par terre comme tout le monde, c'était ces corbeaux? Mais oui, ils te disaient que tu ne pourrais pas. Et toi, tu les croyais. Si seulement j'avais une cervelle. Il y a sûrement longtemps que je m'en serais aperçue. Tu recommences à avoir un esprit négatif. Tout le monde a une cervelle. Pas moi. Regarde. Oh. Tu es empaillé. L'ignorance est la nuit de l'esprit. Une nuit sans lune ni étoile. C'est Confucius qui a dit ça. Je suis en route pour rencontrer le mage. C'est lui qui va me ramener chez moi. Oh, c'est chouette! Alors merci. Et bonne chance. Mais tu sais qu'il pourrait peut-être te donner une cervelle? Alors tu crois que... Toto et moi, nous voulons avoir de la compagnie. Et puis, tu n'as rien à perdre. Je n'ai rien à perdre? Oh, mais c'est vrai, quelle pensée intelligente! Oh, comme j'aimerais l'avoir eue! Tout indique qu'il pourrait être très avantageux pour moi de me joindre à vous. Ah, JF! Tu m'en veux pas trop? T'as survécu? On peut dire. Je vais te dire de quoi, là. Je pensais jamais dire ça un jour. Je pensais sérieusement que jamais tu me ferais écouter quelque chose de pire que Swamp Country. Je me disais que c'était impossible parce que Swamp Country, je l'écoutais, j'avais envie de faire stop. Mais il y avait des bouts tellement drôles que, regarde, je continuais. Ah, The Wiz, c'est la pire chose que j'ai vue depuis qu'on fait le podcast. Et j'ai à plusieurs reprises voulu faire stop. Puis je vais même être honnête avec toi, j'ai skippé des musiques parce que j'ai écouté le film avant le show. Puis je voulais. J'étais un petit peu en retard, fait que je me disais si le film est vraiment bon, ben je vais l'écouter au complet. Sinon, je vais peut-être skipper des moments si c'est possible. Quand même 2h15. Là, t'sais. C'est 2h15. Swamp Country, c'est 1h30. Ça passe, c'est correct. C'est mauvais, mais 1h30, ça passe. Là, je dois me taper. 2h14 de mauvais. Mais tu sais, quand je dis de mauvais, là, on va se le dire tout de suite, The Wiz, c'est un ratage cinématographique absolu de A à Z. Honnêtement, j'essaie de penser à des bonnes choses. Là, on se dit, ouais, mais tu sais, il y a Michael Jackson dedans, les scènes avec lui doivent être cool. Non! Il fait un mauvais épouvantail, surtout que j'ai découvert l'autre pour la première fois 2 jours avant. De Michael Jackson, déjà en partant, on sait tous, Michael Jackson a sa petite voix, il a une petite voix très aiguë, t'sais, Hi, I'm Michael Jackson. Fait en épouvantail, ça marchait pas. Je trouvais que j'aimais pas son personnage, mais déjà le look de l'épouvantail qui avait pas l'air d'un épouvantail, on dirait une poupée de chiffon, Fufu Brin d'Acier version black. c'est laid. Mais ce qui m'enrage le plus avec ce film-là, là, parce que je sais qu'on va aller dans d'autres détails, là, mais le gros problème numéro un, puis je pense que même si le film sera de très grande qualité, moi, c'est ça qui me bloque. Je n'aime pas cette histoire-là adaptée dans un milieu urbain. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas la magie que ça devrait avoir, que ça l'avait avec l'autre film. J'ai zéro accroché à ça. J'aimais vraiment pas ça que ça soit mis dans un milieu urbain. Moi, ça me turn off total. Et c'est pour ça que j'hésite beaucoup à voir ton show. Mm-hmm. Parce que j'ai aucun doute que le format show style Broadway que la pièce était avant que ça soit The Wiz, le film, était de grande qualité. Et ils ont tenté de faire ça en film, ce qui fonctionnait pas. Tu vois vraiment que c'est fait pour être une pièce sur une scène. Mais comme me disait ma copine, t'en as des pièces de Broadway qui ont été faites en film qui fonctionnent. Tu sais, West Side Story, ça marche très bien en film. Oui. Mais The Wiz, ça fonctionne pas. Puis je pense que même si j'irais voir la pièce, je serais capable de dire que c'est de qualité, mais j'ai vraiment de la misère à voir cette histoire-là adaptée de cette manière-là. Pour moi, c'est j'ai vraiment pas apprécié ça. Ben, c'est ça. Toi, t'as de la misère avec le concept. Moi, il me dérange pas. Je trouve que si c'est bien fait, puis j'ai pas vu de bonne version encore. On va voir. Peut-être que jeudi, ça va être une bonne. Peut-être pas. Mais ça a été, comme tu disais, ça a été un gros succès à Broadway. Ça a été le show... qui a gagné le Tony du meilleur show en 75, puis les Tony, c'est comme les Oscars de Broadway, fait que c'est comme très prestigieux comme prix. Mais moi, j'haïs pas le concept, au contraire, moi, je trouve que je me disais, ça peut être intéressant de montrer différentes facettes de la ville, mais de manière un peu fantastique, comme ça, en utilisant le pays d'Oz, puis le film... Ça aurait pu marcher, mais avec quelqu'un de meilleur derrière la caméra. Et je dis meilleur en parlant de Sidney fucking Lumet. Qui a c'est réalisé, pas sa tasse de thé. Il a réalisé 12 Angry Men, qui est un de mes films préférés à vie. Il a réalisé Serpico, qui est un film qui est dans mon cœur, là, tu sais, qui est un de mes films préférés à vie. Il a réalisé Network. Puis Dog Day Afternoon avec Al Pacino encore, que j'adore aussi. C'est comme, mais qu'est-ce qui est arrivé? Je pense qu'il comprend juste pas c'est quoi un film musical. Un film musical, c'est juste pas ça. Ce gars-là, il est fait pour faire des films qui ont des critiques sociales, de la politique, peu importe. C'est un peu d'action, Serpico, il y a de l'action, des films policiers, des films, comme tu dis, juridiques, tout ça. C'est vraiment fait pour lui. Tandis que le film musical, c'est à se demander pourquoi c'est lui qui a été choisi, puis pourquoi il a été là-dedans. Parce que le gars, il a juste l'air de aucunement savoir c'est quoi pantoute là, un film musical là. Il n'y a aucune idée comment mettre ça en scène pour que ça ben c'est ça là. Moi ce qui me dérange dans The Wiz c'est qu'à tout bout de champ à toutes les scènes surtout dans les scènes chantées dansées j'ai tout le temps l'impression que s'il tassait sa caméra un petit peu à droite ou un petit peu à gauche je verrais quelque chose d'intéressant mais qu'à chaque fois que tous ses plans, toutes les décisions qu'il a prises, où placer sa caméra, quoi cadrer, c'est toutes les mauvaises décisions qu'il pouvait prendre, les plus mauvaises. Là, qu'il pouvait prendre, quand il y a seulement un, deux, trois, au pays quatre personnages à fixer durant un numéro musical, j'ai l'impression que c'est pas si pire. Il est quand même capable de savoir un peu où mettre sa caméra, mais dès que c'est beaucoup plus gros, dès qu'il y a beaucoup de figurants, qu'il y a beaucoup de chorégraphie, là, on dirait qu'il est complètement perdu. Il ne sait plus pantoute où placer sa caméra. Fait que des fois, tu as des cadrages, des plans où on voit juste la moitié du groupe. Puis de temps en temps, tu vois un pied qui passe d'un bord puis de l'autre. Puis t'es comme... Mais il semble qu'ils sont en train de faire des acrobaties vraiment cool, mais on voit fucking rien parce que c'est très mal cadré. Il y a une scène à la Cité d'Emeraude, un moment donné, que je suis comme, mais il y a tellement, tu sais, ça pourrait être tellement hot, ça pourrait être tellement beau, cette scène-là. Premièrement, la chorégraphie est juste dolle, mais ça aurait pu être quelque chose d'intéressant, mais il y a plein de figurants, il y a plein de costumes, tout, puis comme, non. La première scène aussi, quand elle arrive dans le pays d'Oz, je suis comme, il y a plein de costumes, plein de monde, plein d'acrobates, mais on voit rien. Puis c'est ça l'affaire, c'est que dans West Side Story, comme, pour prendre un exemple que je connais bien, West Side Story, au début du film, les 10 premières minutes, toi, en tant que spectateur, tu fais partie des deux gangs de rue qu'on voit se battre. La caméra est au travers d'eux autres, à travers leurs jambes, à travers les corps et tout ça. Puis elle est dans la rue, elle touche le ciment, puis toi, tu les touches aussi au ciment, puis t'es là, tu sais, tu sens la chaleur du soleil sur eux autres. T'es avec eux autres, là. Tandis que dans The Wiz, je suis toujours derrière mon écran, en tant que spectateur, et je suis jamais impliqué dans ce qui se passe. Je m'en fous, ça m'intéresse pas, puis il arrive pas à me le... C'est pas parce que je voudrais pas, parce que je l'écoute, le putain de film, j'aimerais ça, essayer d'aimer ça. Je l'écoute pas en me disant que je vais haïr ça automatiquement, mais il réussit pas à m'y intéresser, il réussit pas à m'intégrer dans l'action. C'est même pas juste la faute de Sidney Lumet. Oui, non. Il est pas bon, mais... Ce qui fonctionne pas aussi, c'est le casting. Le casting fonctionne pas. Pas tout, non. On ne reconnaît pas les personnages premièrement qu'on avait vu dans l'autre. Ils ont même pas la moitié, même pas le un quart, peu importe, du charisme, de la joie, de la chimie que les quatre personnages avaient. Mais déjà en partant là, on va dire le plus gros problème du film, un des plus gros problèmes du film, c'est Diana Ross. Moi, c'est mon plus gros problème, personnellement. C'est mon plus gros problème. Hey, excuse-moi, elle a quel âge? 25 ans dans le film? 22? Le personnage. L'actrice a 33 ans dans le film. What the fucking fuck? Tu sais, ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Ce que j'ai lu là, aujourd'hui ou hier... C'est à cause de Michael Jackson. Non, c'est elle qui a fait genre du lobbying, qui s'est organisée pour être dans le film. Quand ils ont décidé de faire The Wiz, eux autres, ils voulaient prendre l'actrice qui l'a fait à Broadway. Une jeune actrice s'appelait Stephanie Mills, très très bonne, avec un petit côté très positif, très naïf, tout ça. Mais Diana Ross, du haut de ses 32-33 ans, elle arrive, puis elle dit « Moi, je suis une vedette, puis je veux être dans The Wiz, puis c'est moi qui dois faire ce rôle-là. » Puis elle est allée passer par-dessus la tête du producteur pour aller parler avec un autre producteur qu'elle connaissait bien, puis dire « Hey, c'est moi qui devrais être dans le film. » Puis c'est comme « Ok, on va te donner le rôle, mais c'est ça. » Puis au début, ça devait être John Badham qui réalisait, puis il a entendu dire que c'était Diana Ross, puis il a dit non, elle est trop vieille, moi non, je débarque du projet, puis ils ont donné ça à Sidney Lumet. Elle est trop vieille, tu y crois pas une seule seconde, parce que premièrement, elle est vraiment mauvaise actrice, oui. Elle est très mauvaise actrice, mais elle me gossait au plus haut point, parce qu'elle essayait de jouer... Elle essaie même pas de jouer une fille dans vingtaine, elle essaie de jouer une adolescente. Elle a des agissements puis des mimiques d'une adolescente. Puis je sais comme, ça fonctionne pas, t'as juste l'âge de 40 ans. Adolescente pleurnicheuse. Pleurnicheuse, puis son personnage me tape ses nerfs, elle me gossait. Puis j'avais juste envie qu'elle meure dans le film, le personnage, je l'aimais vraiment pas. Tu sais, j'ai vu une critique qui disait, son personnage, on dirait qu'elle a la mentalité... c'est une actrice de 33 ans qui joue une fille de 25 ans, mais qui a une mentalité de 3 ans, genre. Ah, vraiment? Puis c'est ça qui est gossant, c'est qu'elle ajoute très, très mal sa Dorothée. Puis sa Dorothée, on n'a aucune empathie envers elle. On n'a pas envie de sympathiser avec elle, mais pas en tout. On s'en fout de ce qu'elle vit. Elle est juste pleurnicheuse. Elle a aucune drive, aucune ambition. T'es en train de crier. Rien, c'est ça, tu sais. Moi, c'est même pas l'épouvantail, parce que tu parlais de l'épouvantail tantôt, je veux juste revenir 2 secondes là-dessus. Moi, il m'a pas dérangé, au contraire, j'avais envie de te dire en faisant le podcast, en commençant ça, en disant, ben moi, j'ai pas haï Michael Jackson, ou tu sais, j'ai trouvé qu'il avait, il faisait un épouvantail sympathique. Tu sais, je vais utiliser sympathique là, dans le sens que je le trouve attachant, tu sais, avec sa petite voix, puis tout, puis ses sourires, puis. T'sais, j'ai envie d'être son ami, mais t'sais, c'est pas l'épouvantail du premier film. T'as envie d'être l'ami à Michael Jackson, t'as pas envie d'être l'ami à l'épouvantail, c'est pas pareil, ça. Ouais. Moi, mon problème avec sa seule toune en solo, sa première toune qu'on entend Michael Jackson chanter, c'est qu'ils ont dans leur film un des plus grands chanteurs et un des meilleurs danseurs de toute l'histoire de la musique pop. Et durant tout ce numéro-là, le premier numéro, ce qu'on le voit, il est accroché, puis il peut pas bouger. Puis le numéro est flat. T'as juste 3 ou 4 gars déguisés en corbeau, les costumes sont affreux, qui font juste... C'est eux autres qui dansent. C'est même pas Michael Jackson qui danse. Je suis comme, what the fuck? T'as Michael Jackson, tu le fais pas danser? C'est comme, non, ça marche pas. Ouais, mais finalement, quand tu finis par voir Michael Jackson danser, tu te dis que ça change fuck all rien parce que les chorégraphies sont dull. C'est un point. C'est vrai que, oui. Puis je vais te le dire, honnêtement, là, il y a pas une chanson que j'ai aimée. Ils sont plates, il y en a beaucoup... Puis la seule que je pourrais te dire qu'elle reste dans la tête et qui est appréciable, c'est parce qu'elle joue 8 fois ouais, c'est dans parce le film. Celle que quand tu marches le chemin, puis qui est He's on down the road, he's on down the road. Elle est quand même pas si pire. Là, mais... Ouais, mais c'est parce que le premier coup, tu l'entends, c'est là, t'es comme ok, ouais, un peu comme elle ressemble un peu à l'autre du film original qui s'en va voir le magicien d'Oz. J'étais comme un genre de toon qui essaie de rester en tête. Là, tu vois que c'est supposé être leur gros hit de celui-là. Mais là, tu sais, la seule raison pour laquelle je l'avais en tête quand j'ai fini le film, c'est parce qu'elle joue vraiment 8 fois là, dans le film. Là. Ça a été un single. J'ai lu qu'après, pas à cause du film, mais la comédie musicale en 75, quand il est sorti, ils ont enregistré la chanson. Je pense qu'ils ont enregistré un album au complet de la comédie musicale. Puis celle-là, ils l'ont sorti en single. Ça a été un assez gros succès, je pense, à la radio. Fait que... Mais les chansons sont longues et interminables par moment. Plates. J'avoue, je suis très d'accord avec toi. Il y a une scène, la première scène, qu'elle arrive un peu dans le milieu urbain où que t'as les personnages qui sortent du mur, un peu oui. Comme les graffitis. Ça, je trouvais ça cool, cette scène-là. Oui. Mais après ça, là, t'as une grosse scène de chorégraphie un peu bordélique avec la chanson. Puis à chaque fois que tu penses que la chanson est finie, ils disent un dernier coup, il n'y a plus de musique. Elle repart. Là, après, tu vois d'autres mondes avec des cerceaux. Puis là, je suis comme, ça finit plus. Puis là, ça fait même pas, mettons, une minute que la toune est finie, qu'on enchaîne déjà avec une autre chanson d'un autre personnage qui est déjà long. Tu sais, même l'homme d'acier, on a déjà une toune très plate avec lui lorsqu'il parle de ses sentiments. Puis dès que la toune est finie, je suis comme, ok, enfin, il recommence déjà avec une autre toune que j'ai vraiment aimé aucune chanson, j'ai pas embarqué. Moi, la seule toune que j'ai skippée, c'était même pas la pire, c'est parce que moi, je commençais à être tanné ce bout-là. En fait, j'ai pas skippé, mais j'ai juste regardé, j'étais sur Twitter ou sur Facebook, puis je regardais même plus l'écran. C'était la scène du lion, quand il sort de son piédestal, là, de sa statue. Ouais. Là, puis... Mais c'est même pas la pire, là, tu sais. Une des pires, c'était quoi? C'était quand Dorothée m'amenait à chanter à l'homme de fer ou à l'épouvantail, quelque chose. Quoi, je sais pas, mais c'était... Il y a des chansons qui sont pourries. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben, je vais aller quelque chose d'autre parce que j'ai oublié mon point, mais je voulais parler de quelque chose d'autre. Une scène que j'ai beaucoup, beaucoup aimée dans le film, puis, tu sais, c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose à aimer dans le film, fait que tu t'accroches à ce que tu peux, mais je trouvais qu'il y avait un certain suspense puis un certain talent. C'était dans la scène du métro. C'est la seule qui réussit, on s'entend. Parce que je la trouve un petit peu creepy. Surtout les premiers bonhommes qu'on voit qui grandissent, puis qu'ils commencent à avancer. C'est comme, OK, hey, what the fuck? Je suis comme, c'est vraiment creepant. Hey, ouais, ça, je verrais ça dans le métro, puis je voudrais capoter. Là, je voudrais puis mourir. Tu vois les espèces de poutres qui deviennent en vie. Puis la scène est vraiment cool, puis... Je pense que c'est le seul moment véritablement fantastique avec des créatures ou des choses bizarres qui arrivent. Parce que sinon, le restant du film, c'est... En fait, c'est un autre point qui m'a beaucoup gêné. À aucun moment, je trouvais que c'était fantastique. Ou à aucun moment, je voyais vraiment le pays d'Oz à part une maudite route jaune. Puis des fois, t'as des gros murs de garbage. C'est comme si le magicien d'Oz, c'était genre un New York sale, là, exemple, ouais. Avec à la Taxi Driver. Puis j'étais comme, c'est pas ça, le magicien d'Oz. Mais là. C'est ça, tu sais, je sais que t'as pas aimé le concept. Moi je suis comme j'ai vu le magicien d'Oz il y a très, très, très longtemps, j'étais prêt dans ma tête à voir une autre interprétation de ça. Fait que j'ai pas eu de problème avec ça. Tu sais, je sais que toi, à 2 jours de différence, tu vois, tu viens juste d'accepter le vieux magicien d'Oz. Ben c'est, non, mais c'est surtout que c'est pareil, c'est supposé être une histoire magique, le magicien d'Oz. Oui. C'est pas juste parce qu'il y a le mot magicien, mais c'est un conte de fées. Oui. Puis je veux dire, à aucun moment, j'avais l'impression d'être dans un conte de fées avec The Wiz. Là. Non, je comprends. Mais j'aimais quand même certaines transpositions. Tu sais, j'haïs pas ça que les singes volants, ce soit un gang de bikers ou... Ouais, mais sont laids. Sont très laids, ça, j'avoue. Là, tu sais. Des grosses babines. La scène bizarre. Du chant est remplacée par une scène de femmes qui vendent de la drogue. Là, tu sais, puis, ouais. Tu sais, il y a des trucs comme ça qui ont... On parle du... C'est ça, c'est plein d'images urbaines. Tu parles de New York qui est très sale, mais le New York des 70... J'y étais pas là, tu sais, j'ai pas vu. Non, je sais que c'était comme ça. C'était les cinémas crades avec des films porno. C'était les prostituées, puis les drogués, puis tout. Puis c'était affreux. Comme dans Taxi Driver, ça représentait bien. Là. Fait que, non, j'haïs pas ça. Tu sais, à un moment donné, ils arrivent, ils sont sur le pont de Brooklyn, ils s'en vont de plus en plus vers Manhattan, vers la cité d'Emeraude, dans le fond, qui est comme Manhattan. Puis, mais c'est ça. Non, mais ça marche pas visuellement. Moi, tout le long, je me disais, il y a tellement de trucs qui auraient pu être 100 fois mieux, mais c'est juste ça. Moi, le réalisateur, surtout, qui me gossait, qui savait pas où placer sa caméra, puis me disait, pourtant, le gars, il a du métier dans le corps. Puis, qu'est-ce qu'il a fait, là? T'sais, il était pas inspiré pantoute. T'sais. Puis le scénario est pas très bon non plus. Là, non. Joel Schumacher a pas fait une très bonne job du tout. Déjà, le début, c'est vraiment garoché comment elle se retrouve dans le pays d'Oz. Oui. Tandis que l'autre film, c'est très développé, puis t'as une demi-heure, là, c'est 10 minutes, il y a une tournade de neige qui apparaît, puis elle... la première scène que tu vois du pays d'Oz, tu sais, je veux dire que dans le premier, c'est elle ouvre la porte, tu vois les couleurs, le décor, t'es comme wow. Dans celui-là, la première chose de fantastique que tu vois, c'est une fille avec des bébés accrochés, avec des fils comme étant des étoiles. J'étais comme, ouh, ça part mal, ça part. Puis, ce qui m'a gossé aussi dans le film, c'est que ça prend à peu près 1h50 avant qu'on voie la méchante. Ben, moi, au début, je pensais qu'il n'y en avait pas. J'étais comme, ok, ils ont enlevé carrément la sorcière. Non, elle est là. Elle est là, mais c'est juste que ça prend, comme tu dis, très longtemps. 1h45 ou 1h50, je pense, sur 2h15, pour voir la sorcière, pour voir la méchante. Puis ça marche pas, parce que d'un point de vue d'écriture, de scénario, il faut que tu places le méchant, à un moment donné, dans le film. Dans le film original, ça prend à peu près une demi-heure avant qu'on la voie, 35 minutes à peu près. Puis là, on la voit. Puis toi, tu sais, en tant que spectateur, qu'il y a une menace qui plane au-dessus de Dorothée, tu sais. Que cette femme-là l'haït, puis qu'elle veut la tuer, tu sais, qu'elle veut prendre ses souliers, puis tout. Dans le film, dans The Wiz, t'as pas cette menace-là qui plane sur personne. Fait que t'as l'impression que tout le monde, tu sais, dort réveillé un peu. Tout le monde est comme, bon, OK, on se promène dans Oz, puis il y a pas vraiment d'enjeu, à part qu'on essaie de se rendre jusqu'au Wiz, puis... À part le métro, c'est pas mal le seul moment de danger. C'est ça, tout le monde est bien relax, puis tout le monde s'amuse, puis tout le monde sourit, puis, tu sais... Diana Ross et Michael Jackson sont bien copains, là, tu sais, puis c'est ça, tu sais. Il n'y a pas vraiment rien de spécial, de dangereux ou quoi que ce soit. Tandis que dans l'original, tu l'avouais 3-4 fois, la sorcière, tu sais, sur leur chemin, puis elle vient lui poser des embûches, puis tout, puis ça, ouais. C'est intéressant, ça. Mais en fin de compte, c'est parce qu'un coup de ta voix, puis tu vois un peu le genre de personnage, tu te dis, OK, je comprends pourquoi ils l'ont mis si loin. Ouais, c'est ça, mais tu sais. En même temps, ça devait être ça dans la comédie musicale originale. Puis, je sais pas si elle arrivait plus tôt. J'espère que oui. Puis c'est ce que je vais voir jeudi aussi dans le show à NBC. S'ils suivent la structure originale, je sais pas non plus. Là. Peut-être bien que c'est une adaptation aussi avec plein de liberté. Mais s'ils suivent la structure originale, en tout cas, je saurais pas. Mais je suis juste curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces personnages-là. Avec le Wiz, avec la méchante. Est-ce qu'ils vont être plus présents? J'ai l'impression que oui. Le Wiz aussi, je ne l'ai pas aimé dans ce film-là. Dans la nouvelle adaptation qui va avoir lieu jeudi, c'est Queen Latifah. Ils ont changé le sexe du Wizard. Ça, je trouve ça intéressant. Je trouve qu'il peut avoir de quoi faire. Puis Queen Latifah, c'est une bonne actrice, une bonne chanteuse, ça. Puis elle a du métier, fait que je suis curieux. Là, je me disais, hey, c'est Richard Pryor, ça peut être super cool. Mais non, finalement, il tombe flat aussi, son personnage. Très plate. Tu sais, c'est Richard Pryor, puis je l'aime pas dans ce film-là. Pourtant, je l'aime dans d'autres affaires. Je l'aime même dans Superman 3. Je l'aime dans plein de choses. Superman 3, c'est pas un très bon film, mais au moins, Richard Pryor est divertissant là-dedans. Mais... Mais c'est ça le problème. T'as plein de monde talentueux dans tous les départements, puis il n'y a rien qui marche. Non. C'est bizarre, c'est vraiment un bordel. C'est une catastrophe. Je me demande vraiment comment ça s'est passé le tournage. Je me demande si ça a été une catastrophe tourner ça. Parce que, honnêtement, là, j'ai écouté le film, là, puis j'étais comme. Hey, c'est la version canon de Wizard of Oz. J'avais l'impression de voir The Apple. Puis mais comme, c'est meilleur, The Apple, c'est meilleur. Parce que The Apple, c'est le fun. Les films de canon, c'est tellement mauvais que c'en est le fun. Là, c'est tellement mauvais, mais du mauvais plate. À aucun moment, je riais parce que c'était trop mauvais. Puis tu sais, je faisais la référence à The Apple, mais à un moment donné, tu vois le soleil qui se lève, puis c'est une pomme. Déjà là, j'étais comme, what the fuck? Ça marche. Tu sais, le côté fantastique et n'importe quoi là-dedans. Tu sais, les taxis. Et à chaque fois qu'elle essaie de prendre un taxi, ça marche pas, mais ça a juste l'air d'un ballon gonflable en taxi qui sauve, puis ça a l'air cheap. J'étais comme, non. Moi, c'est ça, j'y ai pensé à The Apple aussi à cause, du style musical, des chorégraphies, tout ça. Des costumes. Puis tu sais, mais je me disais, The Apple est tellement plus le fun. Puis les chansons, les chansons dans The Apple, puis j'ai envie de les chanter, j'ai envie de les réécouter. Ouais. The Wiz, pas en tout, tu sais. Sa fameuse chanson qu'elle chante tout seul, qui s'appelle, je sais le titre, ça s'appelle Home, elle la chante une couple de fois dans le film, puis elle la chante à la toute fin avec un gros plan sur elle tout le long. C'est dole comme chanson, ça se peut pas, c'est vraiment ennuyant, tu sais, puis tout est dole dans ce film-là. Ah, c'est fou. Moi, je suis un gros fan de films musicaux, puis j'en ai vu là, des mauvais, tu sais. 78, là, ça a été une mauvaise année, il y a eu Sgt. Pepper, le film avec les Bee Gees qui reprend toutes les chansons, plusieurs chansons des Beatles, puis c'est mauvais comme film. Mais putain de merde, je l'ai vu 3-4 fois, puis il y a des trucs que j'aime quand même dans ce film-là. Il y a Steve Martin, il y a Alice Cooper, il y a toutes sortes de monde dans ce film-là, c'est drôle. Mais ça a été un gros, gros flop. Puis 78, c'est aussi l'année, mettons, du... si tu prends le Star Wars Holiday Special que j'ai parlé l'autre fois. Autre affaire hyper... Tu sais, un navet là, qui est reconnu comme étant un des pires navets de l'histoire aussi, tu sais. C'est comme, 78, qu'est-ce qu'il y avait dans l'air ou dans l'eau, ou je sais pas trop quoi, mais quelque chose qui marchait pas. Il y a juste Grease qui a marché en 78, je pense. T'as un coup de chance. C'est ça, tu sais. Mais le Wiz, c'est pas mal le pire aussi, tu sais. Je serais pas encore prêt à dire que c'est le pire film que j'ai vu dans ma vie, parce que... Comme je dis, il y a deux, trois petites affaires qu'il rajoute, là, la scène du métro, puis c'est ça, tu sais, il y a des petites affaires que j'ai pas détestées complètement, mais je pense pas qu'un jour je vais... Le pire film de ma vie, non, là, j'irai pas jusqu'à là, mais c'est le pire film que j'ai vu du podcast, là, pas de faire des films, mais je pourrais dire que c'est un des pires films que j'ai vu, parce que honnêtement. C'est un navet, là, vraiment. Là, tu sais, même la scène du métro, même si je me disais, ouais, c'est cool sur le coup, moi, j'ai vraiment rien à sauver de ce film-là, que ce soit les acteurs, que ce soit les chansons, le visuel, il n'y a vraiment rien. J'ai haï pour mourir, puis je voulais l'arrêter tout le temps. Je te jure, je voulais faire stop sans arrêt. Ben, je te crois, moi aussi. Là, le film dure 2h15, mais ça m'a pris 3h ou 3h15 à l'écouter là, parce que je pesais sur pause tout le temps. T'sais. Je faisais d'autres choses. Je le déconseille, même que j'ai envie de me créer un groupe pour qu'on en retrouve toutes les copies dans le monde et qu'on les détruit. Il ne faut plus que ça existe, ce film-là. Le pire, c'est que je dis que je ne le réécouterai pas, mais c'est ça. Moi, je vais écouter le show live jeudi soir. Toi, si tu écoutes ça puis que ça donne le même résultat que ce film-là, ça va être 3h au lieu de 2h15. Good luck, Jeff. J'espère que c'est bon. Mais jeudi, pour ceux qui nous écoutent, peu importe à quelle date vous nous écoutez, le 3 décembre 2015, à NBC, j'en ai parlé au début, ils vont passer The Wiz Live. Une nouvelle adaptation avec Queen Latifah, Mary J. Blige, d'autres artistes plus ou moins connus dans la communauté noire, Ne-Yo, Common qui a gagné un Oscar avec John Legend pour la musique de Selma cette année. Et, qui d'autre qui aussi qui est là-dedans? David Alan Greer qui est connu un peu. C'est ça, une fille qui est inconnue qui fait Dorothée. Elle s'appelle Shanice Williams, je crois. Puis ils l'ont pognée en audition cet été ou au printemps. Puis à travers des milliers d'autres jeunes femmes. Puis elle a l'air super sympathique. J'ai vu le making-of d'une heure qu'ils ont diffusé. Puis elle a l'air super sympathique. Puis le metteur en scène a l'air très strict, très sévère. Il sait très bien qu'est-ce qu'il veut. Puis je pense qu'il est pas là pour faire une mauvaise chose. Fait que je sais pas. Les extraits que j'ai vus, donne confiance, mais on verra. Peut-être bien que ça va être un gros navet. Moi, je vais être là jeudi soir à, sur le compte Twitter du bras de faire des films, à faire des réactions, puis peut-être sur Periscope aussi. Des fois, je vais parler en vidéo pour durant les pauses pour dire qu'est-ce que j'en ai pensé. On verra. Peut-être bien que ça va être une réussite, peut-être bien que ça va être un... le pire. J'espère pour toi que tu vas avoir du fun au moins. Mais j'ai eu du fun aux deux autres, les deux autres années. Fait que, tu sais, Sound of Music puis Peter Pan, je me suis amusé quand même si je les ai pas revus puis je veux plus jamais les revoir, tu sais. Mais sur le coup, c'est juste le fait de regarder un show live à TV, ça arrive plus de nos jours, tu sais, de voir des vrais shows live puis de dire à tout moment, il pourrait arriver quelque chose. Puis là, en plus, dans The Wiz, il va y avoir des acrobates du Cirque du Soleil. Mm. Il va y avoir des projections multimédia. Tu ouais, mais dis... Jeff, c'est la même histoire qui arrive. Là, tu es en train de parler de l'équipe qui est écœurante. Là. On a beaucoup de gens talentueux. Non, ouais, mais c'est comme ça, le film. Mais une comédie musicale... Mais dans le fond, le principe des comédies musicales, tu sais, si t'aimes... Là, je te dis, j'ai pas aimé le film, mais je suis prêt à donner une chance à la comédie musicale en tant que telle. Puis je parle de l'œuvre avec ses chansons, tout ça. J'ai pas entendu une bonne version, tu sais. Puis les comédies musicales que, mettons... Moi, j'étais un gros fan des Misérables. Les Misérables, tu sais, tu peux en trouver des dizaines de versions sur disque. Le cast de Londres en 86, le cast de Broadway en telle année, le cast de la France en 90, tu sais. Puis à chaque fois, tu vas trouver des différences, puis des chansons que tu vas préférer à d'autres, puis tout. Puis tu dis, ah, ce chanteur-là, c'était meilleur dans l'autre version, puis tout. Puis t'as la version du film, puis t'as la version de ci, puis de ça. Puis moi, j'ai peut-être 5 ou 6 versions différentes des Misérables ici, puis à chaque version, j'ai mes chansons préférées, puis mes versions préférées, puis tout. Ça va être la même chose pour The Wiz, c'est tout dépend du casting, puis de comment c'est fait, tout ça, c'est... Les chansons, ils vont être bonnes si c'est bien fait ou pas. Il ouais. y a un potentiel dans The Wiz. Puis en même temps, là, je dis ça, le film qu'on a vu, il y a à peu près 5 ou 6 compositions originales pour le film qui ne faisaient pas partie de la comédie musicale. Fait que j'ai comme l'impression que le show de jeudi soir va, j'espère en tout cas, réintégrer les chansons originales du show musical et pas prendre les chansons du film. J'espère en tout cas. Parce que c'était vraiment en poche. Puis j'espère qu'ils sont meilleurs que ça, les chansons du show. Souvent, ouais. ils font ça. C'est même Grease. Je parlais de Grease tantôt, qui est un gros succès. Mais Grease, là, les chansons les plus populaires qu'on connaît de Grease, comme... Summer Night. Ouais, Summer Night, est dans le show original. Mais il y a beaucoup de chansons. Hopelessly Devoted to You, chantée par Olivia Newton-John, ça faisait pas partie de la comédie musicale. La chanson thème Grease faisait pas partie du film. De la comédie musicale, je veux dire. Il y a eu 5 ou 6 chansons écrites pour le film. En fait, moi, je déteste tellement les chansons du film qu'on vient d'écouter que j'ai même pas envie de l'imposer aux éditeurs. J'ai même pas envie de mettre une toune après ça, là, vraiment. Ben, j'aurais peut-être mis Ease On Down the Road, mais... Au pire, je peux mettre la version de la comédie musicale qui a été un single, là, qui a pogné. Je sais pas, je peux mettre d'autres choses aussi. On peut mettre... Une minute de silence pour le film. Ouais. Prier à la mémoire. Pauvre Michael Jackson. En tout cas, il s'est racheté avec d'autres affaires. Tu sais, c'est drôle parce que John Landis n'est pas un réalisateur de films musicaux vraiment. Tu sais, il a fait des Blues Brothers, mais il a surtout fait de la comédie puis de l'horreur un peu avec American Werewolf in London. Mais son trailer, il marche super bien parce que sa caméra est bien placée. Il nous place dans l'action. Il nous fait nous intéresser à tout ce qui passe. T'sais. Puis moi, je suis là. Puis pendant 12 minutes, je suis en train de me mordre les doigts puis je capote durant le vidéo de trailer. Ce que Sidney Lumet n'arrive pas à faire durant The Wiz, mais à aucun moment, tu sais. Pis c'est pas parce que c'est un mauvais réalisateur, on a nommé plein de classiques qu'il a fait, c'est juste que... C'est pas son style. Pis... C'est pas son style, puis je pense que même la plupart des grands réalisateurs ont toujours un film mouton noir dans leur filmographie, puis lui, ben c'est définitivement The Wiz. ouais. Fait que ben là-dessus, je pense qu'on a pas mal terminé. On recommande pas du tout. Non. Je le mettrai même pas dans le petit widget de Amazon sur le site. Pour pas inciter, pas que quelqu'un par hasard, par accident, clique dessus puis il la jette. Oups, j'ai acheté le DVD à 15$ le Blu-ray de The Wiz. Merde, pas être obligé de l'écouter. Fait que, bon, ben, je sais pas trop qu'est-ce qu'on fait comme finale musicale, mais on... on va trouver de quoi. On va trouver de quoi. Fait que retrouvez-moi, je vais probablement être tout seul. Là. Je vais assumer que je vais être tout seul. J'ai une soirée à écouter ça. Non, je vais te regarder de temps en temps. Je vais voir dépendant que ça a de l'air le show. Fait que je vais faire ça. Puis sinon, on va se retrouver très bientôt avec sûrement un time-out. Là, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Ouais. Puis un épisode de Noël probablement bientôt. Là, on n'a pas encore décidé de film, mais ça va se faire. Fait que suivez-moi aussi sur YouTube cette semaine. Je regarde, si vous n'êtes pas trop tanné d'entendre parler du Magicien d'Oz, je regarde d'autres films. Mais ça se situe dans le monde d'Oz. Le film que j'ai écouté aujourd'hui, c'était dans le monde d'Oz, mais il n'y a pas de Dorothée, puis il n'y avait pas les mêmes personnages. Fait que c'était d'autres choses. Ça varie un peu. Fait que là-dessus... Bonne fin de journée ou de soirée ou de matinée, dépendamment de là que vous nous écoutez. Je commence à parler pas mal parce que j'ai bu. Fait que merci beaucoup à toi, Steven. Je sais pas si je dois dire ça me fait plaisir, mais c'est correct. C'est correct. Je suis content que tu aies survécu. J'avais peur. T'sais, sur Facebook, j'ai écrit là, ça va. Tu sais, t'es en train d'écouter le film, puis je suis comme ouais, la question, ça va être de savoir est-ce que là, il va le finir? Est-ce qu'il va se rendre au bout? J'ai failli pas me rendre. Honnêtement, il restait 30 minutes au film ou 40, puis j'allais faire stop. Là. Ce que je me disais, tu sais, pendant que je l'écoutais, j'étais comme, hey, si moi j'ai de la misère, là, n'importe qui d'autre va souffrir, c'est incroyable. En tout cas, merci beaucoup d'avoir enduré ça, puis d'avoir fait l'épisode malgré tout. C'est bien, je suis toujours au rendez-vous. Merci à tout le monde de nous écouter et on se reparle très bientôt. Bye-bye. À la prochaine. When all the world is a hopeless jumble and the raindrops tumble all around, heaven opens a magic lane. When all the clouds darken up the skyway, there's a rainbow highway to be found, leading from your window pane to a place behind the sun. Just a step beyond the rain. Somewhere over rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. And somewhere over rainbow, bluebirds fly. Oh, if birds can fly over rainbow, then why can't I? Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, and troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me, somewhere over rainbow, bluebirds fly. If birds can fly over rainbow, why then why can't? Someday I'll wake and rub my eyes, and in that land beyond the skies you find me. I'll be a laughing daffodil and leave birds can fly over the rainbow high, then why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow high,